Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette émission de Mosaïque, la Mosaïque du vendredi soir. Alors au programme de ce soir, le média, télévision privée, qui fait des émissions comme les autres télévisions ne font pas. Hein. C'est une télévision libre, les autres ne sont pas libres, alors elles ne font pas ce qu'elles veulent. Ben oui, un journaliste qui veut garder son travail, il a intérêt à être très, très obéissant, très docile. Alors donc, le média, les macronistes pètent les plombs. Les macronistes pètent les plombs. Ensuite, le média encore, le retraite, camarade français, tenez bon. C'est un Belge qui nous donne ce conseil. Tenez bon. Interdit d'interdire, Jean-Luc Mélenchon, face aux nouvelles frontières. Ensuite, on va rire un petit peu quand même, avec Charline, qui nous parle d'Agnès Buzyn, qui a déclaré « Paris est un CHU ». Voilà, ben, elle va gagner les élections avec des trucs comme ça, Agnès Buzyn, c'est sûr. Oui. Ensuite, bien Caroline Fiat et la retraite des pompiers, c'est encore de l'humour. Moins caustique que Charline, mais pas mal quand même, hein. Le média, victoire contre Bernard Arnault, contre les multinationales donc. Hein. Marc Augeret, maintenant que la jeunesse, là c'est une chanson, voilà. Ensuite, répondez les Français veulent savoir, Didier Maistro. Voix off, documentaire, quand Vichy espionnait les Français. Vichy espionnait les Français. Toutes les communications téléphoniques, le courrier était épluché. Chaque voisin devait moucharder son voisin, sa voisine, etc. Quelle ambiance. Mais ça n'a rien à voir avec la période actuelle. Hein? Non. Rien du tout, aucune ressemblance. En tout cas, s'il y a une ressemblance, c'est purement fortuit et indépendant de la volonté de l'auteur, comme disait l'autre. La Commune de Paris, Arte, carambolage. Ensuite, Francis Blanche nous racontera le Sar Rabindranath Duval avec Pierre Dac. Et puis voilà, et puis une petite revue de presse par-dessus le marché comme dessert. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine. Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Il aimerait utiliser le 49-3, mais il ne veut pas en porter la responsabilité. Toutes ces mesures sont majoritaires dans le pays, toutes. Qui trouve que c'est de trop que de parler pendant un mois et demi, même deux mois, et même trois mois s'il le fallait? Mais pourquoi pas 10? Mais pourquoi pas 20? La République, c'est nous et vous, vous êtes rien. Si vous perdez vos nerfs après trois semaines d'absence, allez vous coucher, ça fera du bien à tout le monde ici. Les esclandres de la majorité en séance et les hésitations de Matignon sur le recours à l'article 49.3, l'inconséquence du gouvernement dans la prévention de l'épidémie de coronavirus, c'est le sommaire du numéro 65 du Petit Coup de Bourbon. Faut-il dégainer le 49-3 pour mettre un terme au calvaire de la majorité? Cette question, Édouard Philippe ne parvient pas à la trancher. Le Premier ministre redoute qu'à trois semaines des élections municipales, la mesure fasse des ravages dans l'opinion, y compris parmi les électeurs du Havre, où il conduit une liste. Et il n'a pas davantage envie de jouer le méchant de l'histoire, surtout quand le président de la République se tient soigneusement en retrait de cette bataille. Alors pour l'instant, Édouard Philippe se contente d'agiter la menace, comme ce mardi à l'Assemblée. Mon sujet, mon ambition, c'est évidemment de faire en sorte que le débat ait lieu. Mais si ça n'est pas possible, si au bout de très nombreuses heures de débat, nous constatons que ça n'est pas possible, alors la Constitution, Monsieur Abadé, Monsieur le Président, vous le savez parfaitement, autorise, le cas échéant, le Premier ministre à utiliser un article, le 49.3. Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Soit. Mais le bon moment, c'est quand, alors? C'est un peu tempête sous un crâne, actuellement, de la part d'Edouard Philippe. Il y a beaucoup d'hésitations. Il aimerait utiliser le 49-3, mais il ne veut pas en porter la responsabilité. Et il cherche, évidemment, à l'attribuer à nous. Mais en raison, peut-être, de la qualité, et j'invite chacun à aller voir, des débats qui ont lieu à l'Assemblée. Quand je dis qualité, c'est que, bien sûr, qu'il y a... Il y a une controverse vive, mais il y a des arguments qui sont échangés. Nous posons des questions, le gouvernement nous répond, ils avancent des arguments, etc. Et quand je dis nous, c'est pas seulement la France insoumise. Les communistes mènent une bataille, les républicains aussi. Je pense à Éric Woerth ou d'autres qui est assez aigu sur le texte. Et finalement, ça n'est pas exact que ce qui se passe dans l'hémicycle est une pure obstruction absurde et incohérente. Il y a un échange d'arguments. Et Édouard Philippe, mon avis, s'interroge sur comment l'opinion publique prendrait son 49-3. Du côté du groupe parlementaire, on est formel. Le 49-3, il ne nous est pas demandé par l'opinion. Une façon polie de dire que l'opinion n'est pas encore mûre. D'ailleurs, il y a encore du boulot pour la convaincre, comme le reconnaît sans détour Sacha Houlier. Si on prend isolément la disparition des régimes spéciaux, si on prend isolément l'introduction du point, si on prend isolément la majoration pour les enfants, si on prend isolément la garantie de la pension réversion, toutes ces mesures sont majoritaires dans le pays. Toutes. C'est le projet dans son ensemble qui, lui, peut être discuté et fait l'objet de contestations. La majorité du groupe parlementaire est donc décidée à aller jusqu'au terme des trois semaines de débat, quoi qu'il arrive. Nous continuerons les débats, nous continuerons tout le temps utile et nous continuerons tout aussi longtemps que ce sera nécessaire. Et après, c'est mystère et boule de gomme. Nous verrons. Aujourd'hui, mon objectif, c'est cette semaine. À droite, on a sa petite idée sur ce qu'il conviendrait de faire. À l'instant où on nous parle, on va dire que le 49-3 s'éloigne peut-être. Je crois que c'est une bonne chose. Il faut que la représentation nationale puisse s'exprimer. Au rythme actuel, il a été calculé qu'il fallait 6 semaines de débat. Bah, écoutez, pour une réforme qui est quand même une réforme d'ampleur, s'il faut 6 semaines de débat, c'est pas non plus la fin du Parlement, c'est pas la mort du petit cheval. Moi, il me paraît que la réforme des retraites vaut bien 3 semaines de plus après les municipales. Proposition qui fait bondir Gilles Legendre. Mais pourquoi 6 semaines? Mais pourquoi pas 10? Mais pourquoi pas 20? Mais pourquoi pas 6 mois? Eh oui, rallonger de 3 semaines l'examen de la loi reporterait la conclusion des débats à la mi-avril et contrarierait beaucoup le président de la République. Celui-ci veut profiter des élections municipales pour tourner la page du social et ouvrir une nouvelle séquence, celle qui le conduira à la présidentielle de 2022. Place désormais à l'écologie et aux régaliens, les thèmes justement de ses derniers déplacements à Chamonix et Mulhouse. Mais tant qu'on s'empoigne à l'Assemblée, le président reste inaudible. À preuve, son discours à Mulhouse la semaine dernière sur le séparatisme islamique. Tout le monde a déjà oublié. Seulement voilà, la bataille de l'opinion est loin d'être gagnée. Il pensait que expliquer sur tous les tons, matin, midi et soir, qu'il y avait des fous furieux dans l'hémicycle, des France insoumises, qui faisaient de l'obstruction et que du coup c'était, ils étaient légitimes à utiliser cette arme, on a appelé ça le LBD parlementaire, ils se sont rendus compte que l'opinion publique n'était pas du tout favorable à ça et que nous avions quelque part raison, non pas de faire de l'obstruction, mais de faire durer le débat. Parce que quoi ? Qui trouve que c'est de trop que de parler pendant un mois et demi, même deux mois et même trois mois s'il le fallait, d'un système qui revient sur 300 milliards d'euros qui date de l'après-guerre de 1945, du Conseil national de la Résistance. Alors quoi, on pourrait plier ça en à peine deux semaines, voire trois semaines, parce que le monarque a décidé que ça devait advenir avant les élections municipales. Enfin bon, un peu de sérieux. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron veut que ça aille vite. Pourquoi ? Parce qu'il sent bien que ce sera le boulet de son quinquennat et que ça l'empêchera peut-être même d'être candidat lui-même en 2022, parce qu'il sera lessivé de tout ça. Hier donc, l'hypothèse du 49-3 paraissait enterrée. Mais à l'Assemblée, ces jours-ci, c'est comme dans les comédies de boulevard. Chaque fois que la tension retombe, un amant sort du placard, provoquant un rebondissement. Cette fois, c'est le dépôt de 600 nouveaux amendements par l'opposition qui a déclenché une montée aux extrêmes. La dernière séance vient de commencer lorsque Gilles Legendre prend la parole. Nous ne sommes pas là pour entendre des amendements sans aucun intérêt. Nous sommes là pour avoir un débat de fond sur un texte essentiel. En conséquence, le groupe La République En Marche restera représenté par son président. Les autres membres quitteront l'hémicycle et ne reviendront que lorsqu'on sera en mesure de reprendre un débat sain et apaisé. Finalement, les députés marcheurs rejoignent leur place. Les échanges se poursuivent jusqu'au milieu de la nuit quand tout à coup, le rapporteur de la loi, Nicolas Turquois, se lâche. Je vais vous citer une citation qui m'est revenue tout à l'heure, je ne l'avais pas prévue. Certains parmi vous ont déclaré « la République, c'est moi ». Eh bien moi, je vous dis que la République, c'est nous et vous, vous êtes rien. Les protestations fusent. Le député LR Philippe Gosselin est le plus cinglant. Je ne peux pas accepter, et le groupe Les Républicains ne peut pas accepter les propos inqualifiables du rapporteur qui, ce soir, s'adresse à des collègues qui sont députés, des élus de la nation, qui ont leur légitimité. On pense ce que l'on veut sur ces bancs ici. Bien évidemment, c'est la grandeur de la démocratie. Mais on ne s'adresse pas à une partie de l'hémicycle, à des collègues, en disant « vous n'êtes rien ». Ce n'est pas qualifiable, ce n'est pas digne. Donc reprenez-vous, si vous perdez vos nerfs après trois semaines d'absence, allez vous coucher, ça fera du bien à tout le monde ici. Premier point. La petitesse de la majorité qui quitte, que ce soit sur les bancs, mais si, c'est de la mise en scène, et je terminerai là-dessus, c'est de la mise en scène, mais c'est du bien mauvais théâtre. Vous êtes en train de nous préparer le 49-3, c'est du mauvais théâtre, c'est de la mascarade, méfiez-vous, l'arroseur arrosé n'est pas loin. Nicolas Turquois présentera ses excuses quelques minutes plus tard, mais le mal est fait. Je l'ai rencontré hier matin, il m'a expliqué dans quelles circonstances il avait craqué. Moi, j'ai eu l'impression, finalement, peut-être de réagir de façon... ça fait trois semaines, ça doit faire au moins trois semaines que je suis à fond sur le sujet entre la commission et puis l'hémicycle. Bon, voilà, hier soir, j'ai eu le mot de trop parce que j'étais excédé qu'on passe notre temps sur rien. Donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, vous êtes à rien parce que vous ne faites rien. Mais bon, bref, je l'ai dit, je vais l'assumer. Et puis... s'il faut redire les excuses, je les redirai. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'on donne à ce Parlement ces lettres de noblesse ? Parce que là, on menace gravement la démocratie parlementaire en procédant comme ça. Nicolas Turquois n'est pas un habitué des coups d'éclat. Il est plutôt apprécié par la plupart de ses collègues, toutes étiquettes confondues. Ce qui en dit long sur l'état de nervosité et de fatigue qui parcourt la majorité présidentielle, peu rompue aux longues batailles. Cette irritation croissante pourrait-elle précipiter le recours au 49-3 ? C'est possible. Quoi qu'il en soit, l'utilisation de l'article en question ne réglerait pas tout. Le gouvernement ne peut y recourir qu'une seule fois par session parlementaire. Or, la réforme des retraites se compose de deux projets de loi. Un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire. C'est ce dernier qui est actuellement examiné. S'il était adopté grâce au 49-3, le projet de loi organique resterait, lui, soumis au vote des députés. Et les oppositions ne manqueraient pas de reporter leur stratégie d'amendement en masse sur le projet de loi organique. La bataille est donc loin d'être terminée. La multiplication des cas de coronavirus en Europe a bien sûr été évoquée lors des questions au gouvernement mardi. La priorité unique et absolue du gouvernement, vous vous en doutez bien, c'est de protéger nos concitoyens contre le risque et le risque sérieux d'une épidémie de ce coronavirus apparu en Chine et dont tout indique qu'il est en train de se transmettre un peu partout dans le monde et que nous nous trouvons dans une situation qui pourrait se traduire par une épidémie mondiale. Nous avons veillé à ce que le dispositif français soit prêt. Cela passe par la mise en vigilance d'un certain nombre de centres hospitaliers, d'abord les CHU, puis 70 centres supplémentaires, ce qui veut dire que partout en France où il y a un service de SAMU, nous sommes prêts à accueillir d'éventuels malades. Fort bien. Encore faut-il que ces malades se présentent ou soient repérés. Or, en novembre dernier, le gouvernement a rallongé le délai d'accès aux soins pour les demandeurs d'asile présents sur notre territoire. Argument, ces migrants viendraient sur le territoire français uniquement pour bénéficier de notre système de santé. Un détournement de procédure. Nous lutterons vigoureusement contre les abus concernant notre système social ou d'accès aux soins, lesquels sont très liés à ces mouvements migratoires secondaires. À l'issue de ce comité interministériel, un délai de carence de 90 jours a été instauré avant que les demandeurs d'asile ne puissent accéder à la protection universelle maladie, la PUMa. Décision qui a pris la forme d'un décret paru le 30 décembre. Ce qui veut dire que les demandeurs d'asile présents sur le sol français, porteurs du coronavirus, ne pourront pas être dépistés et encore moins soignés. Ce qui fait bondir le député de la Vienne, Jean-Michel Clément. Cet ancien de La République En Marche, passé au groupe Libertés et Territoires, s'était élevé contre la décision du gouvernement. On a d'un côté une menace de pandémie qui est là, et on a un décret du 30 décembre 2019 qui instaure le délai de carence de 90 jours. On sait déjà que c'est déjà difficile pour accéder aux soins indépendamment du délai de carence qui est institué. Moi, je vais demander cet après-midi purement et simplement l'abrogation du décret du 30 décembre 2019. Ce délai de carence des 90 jours est tout simplement un scandale. Scandale parce que c'est du dogmatisme, hein, et c'est un déni de réalité de surcroît. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est une faute majeure si on ne va pas abroger ce décret. Le député de la Vienne a donc interpellé le gouvernement mardi. Aussi, au nom de la protection de la santé publique et du principe d'humanité, le groupe Liberté et Territoires souhaite savoir si vous allez abroger ce décret instituant un délai de carence de 90 jours pour ces personnes fragilisées. Voici la réponse que lui a faite Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé en charge de la protection de l'enfance. Un choix qui témoigne déjà du peu de considération pour la question posée. Il n'y a pas aujourd'hui de circulation de virus sur notre territoire. Il est important de le rappeler et de rappeler que notre stratégie est fonction du niveau de risque et qu'elle sera adaptable, révisable à tout moment, en fonction notamment, pas exclusivement, des populations qui peuvent être particulièrement exposées. Autrement dit, on verra le moment venu. Est-ce bien sérieux comme réponse? Voilà à quoi conduit la démagogie xénophobe, à mettre en danger la santé de toute la population. Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Avant ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Ah, bah. étais biologiste, c'est-à-dire que tu étais chercheur ou professeur ou comment? Moi, j'ai fait mon mémoire sur la vitesse de décomposition des feuilles de 7 espèces d'arbres différentes, mon cher Denis. Donc, c'est-à-dire j'ai analysé l'aulne, le bouleau, le sorbier, l'épicéa, et j'ai analysé la vitesse de décomposition des feuilles. Mais ça, c'est une vraie passion quand on est biologiste. Ouais. C'est difficile de ne pas être passionné. Non, c'est vrai. Et donc là, t'as tout arrêté pour faire de la politique. Sauf l'ornithologie. Donc ça, j'ai continué à aller voir les piafs, quoi, à les cocher des oiseaux. Ouais. Donc ça, j'ai deux, trois copains syndicalistes. Donc là, on va régulièrement, une fois par mois, ou quoi, on va regarder les oiseaux. Alors j'ai fait une émission la semaine dernière avec Paco Mtielman, qui a écrit un livre que je te conseille d'ailleurs, qui s'appelle « Tu m'as donné la crasse, j'en ai fait ». Putain, j'arrive jamais à me souvenir du titre, « De l'or ». Et il raconte la fin des oiseaux. Il raconte, c'est quand même un phénomène absolument dingue, ça, qu'on est en train de vivre, toi, comme ornithologue. Tout à fait. C'est inquiétant, il y a vraiment pas mal d'espèces qui se portent très mal. Et qui disparaissent. Alors, j'ai vu dans Science et Avenir, si on change complètement de sujet, mais c'est pas grave, qu'il y a une espèce qui renaît, une espèce qui avait disparu pendant des siècles, et je crois que c'est en Indonésie. Tu as pas vu ça? Non. Un phénomène darwinien d'évolution où un oiseau qui avait complètement disparu. C'est la seule bonne nouvelle dans histoire de réchauffement climatique. Mais quand même, il y a plus d'hirondelles, c'est catastrophique. Mais ça diminue beaucoup. Donc on voit vraiment une influence forte, mais évidemment des polluants d'une part. Oui. Je veux dire, ça reste quand même un gros problème pour les oiseaux. On voit le réchauffement climatique qui fait apparaître petit à petit des espèces de plus en plus exotiques. Il faut une fois aller à Bruxelles, mais vous avez les perruches à collier un peu partout. Je crois qu'à Paris, il doit en avoir pas mal aussi. Donc vraiment des espèces qu'on n'aurait pas cru qu'elles auraient pu s'adapter, qui s'adaptent un petit peu partout. Donc on a réellement des phénomènes qui sont inquiétants. Et je pense que la nature est un point important aussi. Votre préservation. Partie, vous en parlez beaucoup de ça? De plus en plus. Là, vraiment, à nos derniers congrès, on a beaucoup débattu sur le sujet, parce qu'on avait sous-estimé, pas assez pris en compte tout ce combat climatique, avec un enjeu évidemment important qui est celui de résoudre le problème climatique et en même temps de le lier à la question sociale. Et donc là, bon, on s'est rendu compte en Belgique, on parle toujours de la responsabilité des consommateurs en matière de production de carbone et de gaz à effet de serre, mais qu'en fait, 40% des émissions venaient quand même de 302 multinationales. Des multinationales qui ne sont pas soumis aux règles de taxes carbone habituelles, mais qui sont soumis au schéma européen ETS, le European Trade Scheme, qui est en gros les quotas carbone. C'est-à-dire que, et ça c'est quand même fou, c'est qu'on a donné les quotas carbone aux entreprises qui produisent du CO2, et maintenant, si elles n'en produisent pas pour une raison, parce qu'elles ferment une industrie ou quoi, elles peuvent les revendre. Donc, ils ont réussi à faire du business sur le quota carbone. C'est comme ça qu'une entreprise comme ArcelorMittal, en fermant de hauts fourneaux, a pu se faire 200 millions d'euros dans sa poche, quoi. Donc c'est vraiment dégoûtant. Le capitalisme arrive à tout vendre, quoi. Mais c'est fou. Même le droit de polluer, ils le vendent, quoi. Donc c'est vraiment incroyable. Ils finiront par vendre la corde pour nous pendre, hein. C'est incroyable, quoi. Donc de ce côté-là, bah, c'est vraiment des systèmes qui font dénoncer et il faut trouver des alternatives. Alors vous avez des accords je pense à l'écologie justement parce que tu t'es décrit comme un parti marxiste, mais je me dis comme ça qu'un parti politique aujourd'hui ne peut plus laisser de côté la question écologique, elle doit être à peu près centrale comme la question de la lutte contre le capitalisme ou de réinvention de modèles de redistribution. Vous, ça fait partie de votre programme, et est-ce qu'il y a des phénomènes d'alliance qui peuvent se créer beaucoup plus fortes avec les écolos? Et derrière tout ça, évidemment, je pense à la France. À qui vous ressemblez le plus en France, dans la démarche et dans l'histoire? Je pense qu'on ne peut pas faire vraiment de parallélisme France-Belgique, parce que notre histoire est différente. Nous, on a des bons contacts avec le PCF, on a des bons contacts avec la France Insoumise, on a des bons contacts, je dirais, avec la NPA, avec la CGT, évidemment. Donc, on a des contacts avec tout le monde. On ne peut pas faire un parallèle, je vais dire, l'histoire de France n'est pas la même que l'histoire de Belgique, ne serait-ce que par le fait que vous avez eu un PCF très très fort pendant 30-40 ans, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale. Chez nous, le Parti communiste belge était moins fort, donc on ne peut pas faire des parallèles. Mais par contre, je crois que dans le rapport au parti traditionnel, la même complexité est là. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre débat avec l'écologie politique, la question de savoir est-ce que le marché libre peut être vecteur de solution aux problèmes climatiques que nous avons, c'est un grand point de divergence qu'on a avec les écologistes chez nous. Parce que, et c'est très pragmatique comme politique, c'est très concret comme débat, c'est pas qu'un débat philosophique, c'est la question de savoir chez nous, par exemple, la promotion des panneaux photovoltaïques pour produire l'énergie solaire a été faite par les partis écologistes quand ils étaient au pouvoir via des mécanismes de subsides, et comme toujours sous le capitalisme, des politiques de subsides pour jouer sur l'offre et la demande, donc il y a des bulles. Le gouvernement ne sait toujours pas comment payer les certificats verts, parce qu'en gros, il y a eu une bulle sur le marché. J'avais l'impression que ça marchait mieux qu'en France. Ils se sont mis à mettre sur leur toit des c'est petits... ça, mais le problème, c'est que c'est l'État belge qui a dû financer tout ça. Et que ça coûte un bras. Exactement, que c'est un bras. Il faudrait mieux leur mettre sur pied des structures publiques qui produisent l'énergie verte, et donc en l'occurrence chez nous, on a des intercommunales qui produisent de l'énergie éolienne en mer, quoi. La ville de Liège produit de l'énergie éolienne en mer du Nord. On va me dire comment ça se fait, mais voilà, c'est business, ça se passe comme ça. Plutôt que de vendre tout ça au privé, faisons une grande société publique belge qui va avoir, je vais dire, réellement une production monopolistique et qui va pouvoir mettre son énergie verte au service du public. Et vous, votre système bancaire est dans un état complet, vous êtes complètement inféodé aux banques françaises, européennes, vous n'avez plus de banques belges. Non, plus rien du tout. Donc chez nous, tout a été vendu, il y a 4 banques qui contrôlent l'ensemble de notre économie, dont notamment la BNP Paribas, hein, qui a été rachetée. Donc toutes ces banques belges sont sous contrôle étranger. Maintenant, je ne crois pas que le fait que les banques sont françaises, ça change quelque chose. Parce que de toute façon, ils pensent qu'on business. Mais vous avez quand même implanté au cœur de Bruxelles Euroclear. Ouais, c'est ça, exactement, Euroclear. Alors Euroclear, c'est une chambre de compensation internationale. Il y en a deux, une en Luxembourg. Voilà, je vais pas te refaire la leçon. Non. Mais qu'est-ce qui se passe avec Euroclear en ce moment? Je pense que l'information qui me semble cruciale, fondamentale, très importante en termes d'argent de ce qui se passe à Euroclear n'est pas arrivée jusqu'en France. Est-ce que tu peux résumer, expliquer les enjeux de ce combat-là? Parce que il y a un juge qui s'appelle Monsieur Claes. C'est ça. Qui instruit un dossier monumental avec des milliards de fonds soi-disant libyens. Mais je te laisse poursuivre. Ben, la première chose, c'est que nous, en fait, l'État belge, j'en ai presque rien à dire sur Euroclear. Hein. Je veux quand même le dire, c'est parce que physiquement. Exactement. Donc ce sont vraiment des chambres. En gros, c'est des chambres qui enregistrent l'ensemble des transactions mondiales. Et donc ils sont au courant de tout, en fait. En fait, on dit toujours, ouais, donc il y a des journalistes, il y a des juges d'instruction, donc le juge d'instruction anglais, etc., qui doivent mettre des heures, des jours, des mois de travail. Eux, ils savent tout, ça passe sous leur nez. Et au Rédit Tour, on sait rien du tout. Donc là, c'est la question des fonds libyens. Hein, donc là, il y a eu quoi? Il y a eu une plainte et il y a combien de milliards qui ont été bloqués? Enfin, c'est une enquête journalistique de David et d'un autre journaliste, David Leloup. Mais que c'est débloqué, oui. Surtout. Oui. C'est surtout ça la question. C'est qu'officiellement, des sanctions ont été prises par rapport à la Libye de Kadhafi. Et pour des raisons de business, on a levé ce type de sanctions et notre ministre ne sait de rien. Alors attends, explique parce que les gens ne comprennent pas. Mais non, mais donc c'est-à-dire que quand vous avez bloqué la. Il y a combien de sanctions internationales? Je ne connais plus exactement. J'avais demandé de 5 milliards. Je n'ai pas suivi le dossier d'hyper près. C'est Marco Vanes, mon camarade Marco Vanes, qui a intervenu beaucoup sur le sujet. Je l'inviterai pour la prochaine c'est fois. C'est ça. Non, mais je veux dire, les fonds sont bloqués. Et là, le juge est bloqué aussi. Tout à fait. Le juge Claes, mais bloqué sur beaucoup de dossiers. Hein. Le juge Claes, c'est très clair. Mais donc, aujourd'hui, le gouvernement belge, en fait, dit ne rien savoir, ne rien vouloir voir. Et c'est toujours la même chose. Et donc, j'espère maintenant, l'instruction, je pense, est clôturée. Parce qu'il a autorisé à Kadhafi et à ses fonds à placer cet argent-là chez Euroclear et c'est ça l'histoire. Donc, et à un moment donné, il y a eu une dénonciation, donc on a bloqué les comptes et là, on vient de les débloquer. On les a débloqués il y a quelques années déjà. Hein, pour donc pouvoir... ils sont débloqués et là, et l'instruction... Et l'État belge, donc on a une audition, je veux dire, d'un fonctionnaire qui dit, mais moi, on m'a donné l'ordre et les ministres disent, non, je n'ai pas du tout donné l'ordre, tout le monde se renvoie la balle, quoi. Mais c'est très clair que c'était une décision politique, quoi. Et il fallait voir en audition, je veux dire, le fonctionnaire dit, mais si, on m'avait dit de... Et donc c'est clair que c'est illégal, parce qu'il y avait des sanctions qui est une édition quand même de l'ONU, quoi. Et ça signifie qu'une société comme Euroclear, qui appartient à des banques étrangères, américaines, entre autres, elle a un pouvoir infiniment supérieur à un État qui l'héberge comme la Belgique. Exactement, à n'importe quel ministre. Ça, c'est la conclusion politique qu'on doit tirer de ce type de manœuvre-là. C'est très, très clair. Après, je pense que le monde politique belge est évidemment plus que passif, voire même acteur de donner ce pouvoir à Euroclear, soit très, très, très clair. Si on donnait le véritable pouvoir à un juge d'instruction, vous savez combien d'instructions chez nous sur des grandes questions bancaires ont été abandonnées par transaction pénale? Donc en Belgique, aujourd'hui, vous pouvez racheter votre procès. C'est-à-dire que quand vous voyez à un moment donné que vous allez perdre votre procès ou quoi, vous rachetez votre procès. Commence, exactement. Ouais. Et c'est la justice de classe. C'est ça qu'on met en place. Ah, tu vois, j'ai des copains belges qui savaient que je t'invitais, qui m'ont envoyé des listes de questions. Là, c'est une question sur ce que tu penses des liens entre Sarkozy, Claude Guéant, le Parti libéral belge, et nous parler un peu du Kazakhgate. Et qui concerne la France aussi. Tout à fait. Le Kazakhgate, donc pour un peu bien comprendre. Parce qu'ici, on ne sait pas. Non, mais c'est ça. Mais nous, d'abord, il y a les gates se succèdent. Hein. Mais donc, c'est nous, en fait, c'est Chodiev, quoi. Dire qui est un oligarque russe. Exactement, l'oligarque russe qui, en gros, pour pouvoir échapper à la justice, avait besoin, justement, de pouvoir acheter son procès. Mais donc, chez nous, la loi n'existait pas encore. Et donc, que font les oligarques russes quand ils ont envie qu'une loi soit votée? Ben, ils prennent contact avec le monde politique. Et donc, nous avons eu notre président du Sénat qui ouais, étaient des réunions pour aller discuter. Ah bon, ouais, ouais, bon, bon, on va un peu réfléchir pour changer la loi. Donc c'est en fait Armand Dedecker, quoi. Et donc en fait, pas mal de preuves sont là que des rencontres ont eu lieu et que politiquement, effectivement, une loi, la loi sur les transactions pénales, a été votée pour pouvoir permettre à des oligarques. Quel est le lien avec Guéant et Sarkozy? Ben donc en fait là, en gros, ils ont besoin, donc pour tous les réseaux internationaux, pour les mettre les uns les autres en contact, Chaudière fait passer par la France. Je pense à un attaché de Sarko qui a pris contact avec le monde politique belge, le Parti libéral. Donc voilà, c'est la grande internationale des magouilleurs, quoi. Je veux dire, il y a l'international des travailleurs et puis l'international des magouilleurs. Et donc, tu sais, dans le livre de Juan Branco, Crépuscule, t'en as entendu parler, il a une phrase qui est un peu un lead, il dit ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ouais. Et ça s'applique parfaitement à la Belgique. Tout à fait. Tout à fait. Et je trouve ça important parce qu'ils sont acteurs. C'est pas qu'ils subissent. C'est pas que ça vous tombe, ah, j'ai une enveloppe qui me tombe dessus ou quoi. Je veux dire, à un moment donné, vous êtes acteur. Ça que j'essaie de comprendre, c'est qu'une partie de l'élite politique est en fusion avec le monde du capital et fonctionne selon les règles du capital. C'est pas, cette corruption, c'est une manière de fonctionner. Il y a deux corps, on va dire, qui peuvent lutter contre ça en dehors des partis politiques. Ce sont les magistrats et la presse. Comment ça se passe en Belgique? Bah, chez nous, de plus en plus de problèmes, c'est que la magistrature et la justice est sous-financée. C'est-à-dire qu'on va jamais faire une attaque frontale politique contre des magistrats, on va attaquer indirectement via l'austérité. Et donc, le budget de la justice a été réduit de 10% d'une manière linéaire sur la dernière législature. Et donc, ça a beaucoup de répercussions sur le fait que des magistrats ont moins le temps de mettre à l'instruction. Et donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que si vous allez faire un contrôle TVA, ben, vous allez à la friterie du coin, hein, parce que voilà, c'est beaucoup de friterie, mais au kebab du coin, vous allez faire un contrôle fiscal, ça, il n'y a pas de problème. Vous allez chez Inbeuf, oh non, et vous avez besoin d'être 25 personnes, vous n'avez pas le temps et tout de bosser et tout et tout. Donc, des grands accords, d'ailleurs, chez Inbeuf, des grands accords. Chez Inbeuf, Interbrou, c'est AB Inbeuf, dans toute la France, bon, AB Inbeuf. Denis, c'est la LEF, la Jupiler, les bières. Ah oui, ce groupe. C'est ça, c'est ça. Numéro 1. Ouais. Qui nous vient de la Belgique, qui a fusionné avec un groupe. C'est une des plus grandes fortunes de Belgique. Exactement. Et donc la famille Spoelberg, etc. Voilà. Et qui est repris dans notre fameux top 50. C'est-à-dire que le top 50 du PTB, qui est mis sur pied par Marco Vanez. Donc c'est pas le top 50 de Radio Contact, c'est le top 50. Les plus riches. Exactement. Et donc ce sont les plus grandes ristournes fiscales des entreprises. Et donc on a certaines branches du groupe AB InBev qui payent chez nous 0% d'impôts. J'avais relevé dans mon bouquin Les Prédateurs que Albert Frère payait moins d'impôts que sa femme de ménage. Ah ouais, mais c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, lui, il a payé quelque chose comme 152 euros d'impôts avec son groupe GBL à l'époque, et sa femme de ménage, c'est Marco avait calculé, je pense qu'elle payait 4000 euros d'impôts. Ouais. Quoi. J'avais relevé ça. C'est fou. Mais mon père a vécu la même chose comme sidérurgiste, quoi. Le jour la fermeture, on annonce la fermeture de la sidérurgie, ArcelorMittal a payé sur l'ensemble son bénéfice 1,4 milliard d'euros, 496 euros d'impôts. Mais tu vois le comptable dire, bon, on le chèque, on l'arrondit à 500, chef. Allez, 500, on est gentil avec le fils belge, on paye 500, on paye 496. Mon père payait 6000 euros d'impôts. Là, on parle, je pense, à toi, parce que je sais que tu as un train et que les taxis sont un peu lents ici, mais je voudrais encore te poser... Oui, qu'il y a quelques perturbations dans le service public français aussi pour l'instant. Hein. Ah, c'est gréviste, franchement. Vous avez aussi, comme en France, une presse mainstream, on va dire, et une presse alternative qui gagne de plus en plus d'audience et de terrain, ou est-ce que c'est différent? J'ai l'impression, moi, à suivre la Belgique et à lire les journaux, que la presse belge est moins inféodée au pouvoir que la presse française. Je pense en tout cas qu'il y a une différence, en tout cas c'est qu'il y a une presse mainstream de droite officiellement affichée comme vous pouvez l'avoir en France, etc. On n'a pas en Belgique. C'est-à-dire, tout ça est beaucoup plus centriste et dans les rédactions vous allez avoir des sensibilités différentes. De ce côté-là, il y a l'excellent travail d'investigation qui est fait par des journalistes dans des presses dites mainstream, quoi. Je veux dire que ce soit, tu as parlé tout à l'heure de David Leloup, on a Xavier Cunas par exemple, surtout le dossier Netis qui nous concerne, Xavier Cunas au niveau du soir, Joël Matrige. On a vraiment des journalistes qui font du bon boulot dans les presses traditionnelles. Au niveau, par contre, de la couverture un peu plus globale, il y a quand même un mainstream, quoi. Je veux dire, voilà, une fois que vous avez une lutte de classe interprofessionnelle importante, vous allez toujours avoir, après une semaine ou deux, les éditorialistes qui vont dire « il est temps de se remettre à table, faut quand même être réaliste, faut quand même accepter les mesures qui sont là, faut pas être populiste, hein, je veux dire ça ». In fine, quand ça devient un peu plus long, on va quand même avoir une uniformisation, je veux dire, d'un avis. Hein, de ce côté, il y a quand même un même mécanisme qui est en point. Les journalistes aussi ont moins de temps pour faire leur travail, donc on a une précarisation du secteur qui grandit. aujourd'hui un peu comme partout en Europe, mais quand je vois des pigistes qui vont travailler à 3-4 articles par jour pour pouvoir subvenir à leurs besoins, c'est plus possible de recouper ces infos. Et donc là, on a quand même une presse dite alternative qui est en train de naître du côté francophone, que ce soit le magazine Médor, on a Imagine, on a Wilfried Magazine, on a une recherche qui commence à naître petit à petit. Mais je crois que la question de rendre ça finançable est quand même un grand problème un peu partout. Je veux dire, ici, tu as compris, je t'ai expliqué comment on fonctionnait. Donc on est un des médias les plus libres qui soit, puisqu'on est financé que par des dons ou des sociaux qui nous aident. On va essayer de se renforcer, mais en ce moment, ça marche plutôt bien, ce qui fait qu'on peut encore, quand on n'est pas censuré par YouTube, on peut encore faire des émissions, parler assez librement, prendre du temps pour discuter. Je suis vraiment ravi que tu sois là. J'aurais encore plein de questions à te poser. Je t'en pose une dernière sur Macron et comment tu vois la suite du mouvement. Tu dis, on est un laboratoire. Si on perd ici, on va perdre partout. C'est-à-dire que, et en Europe, ça va être la déferlante. Il n'y a plus moyen de lutter contre la commission. Si, je suis assez rempli d'espoir, en fait, parce que je pense qu'on est en train de remonter la pente qui nous a foutu dedans dans les années 80, dans les années 90. Quoi. Je pense vraiment qu'il y a, et d'un point de vue politique, et d'un point de vue syndical, un mouvement qui monte à nouveau. On a vu ça avec les travailleurs de Ryanair qui ont fait des grèves au Portugal, en Belgique, en Irlande, en France, et qui ont été chercher certaines victoires. Donc les dockers, c'est la même chose au niveau des ports, le port d'Anvers, de Rotterdam, le port de Marseille. Donc moi, je pense que petit à petit, il y a une dynamique européenne qui est en train de se mettre en place. Et c'est une des clés aussi de notre victoire. Je pense réellement que tant qu'on va se combattre, mener nos combat respectif, séquencé, tout seul notre pays, ça va être difficile de gagner. Je pense, si on parle de perspective, mais ici je parle sur de perspective à moyen terme. Je pense que le côté de mener des combats au niveau européen contre les directives de la Commission européenne qui demande cette pension à points, etc., c'est aussi une des clés. J'ai parlé tout à l'heure de la combativité du côté d'un cahier de revendications très clair. Mais je pense qu'une dimension européenne me semble être importante aussi. Et puis, dernier élément, c'est retrouver notre fierté de classe. Moi, je crois que ce côté-là, nous produisons la richesse. C'est pas eux qui produisent la richesse, c'est nous. C'est nous qui devons décider ce qu'on produit, pour qui, pourquoi. Et le « nous », c'est au sens large. Moi, je parle pas que des travailleurs manuels dans les grandes entreprises. Je parle que c'est les artistes, que je parle les employés, que je parle le monde intellectuel. On doit reprendre notre conscience de classe. Et c'est là où les fachos interviennent. Parce que les gens en ont marre du « moi, je, moi, je, moi, je, moi, je » sans arrêt. Ils veulent retrouver le sentiment du « nous ». Et c'est là-dessus que les Le Pen, les fachos chez nous, du côté de la Flandre et tout, ils veulent surfer parce qu'ils veulent qu'il y ait un nous, le nous exclusif, le nous nationaliste, le nous d'extrême droite qui exclut les travailleurs sans emploi, qui exclut les travailleurs immigrés, qui exclut tous les autres. Et nous, on doit revenir, nous, la gauche conséquente, avec un discours de classe et un discours radical. On doit être fiers de notre cause. Moi, j'en ai marre d'avoir des gauches traditionnelles qui ont peur de leur ombre, on a peur. On est fiers. C'est nous qui avons construit les sécurités sociales. C'est nous qui avons construit la journée des 8 heures. C'est nous, c'est pas la droite. Eux, ils étaient où, ceux-là? Ils étaient en train de manger leur caviar à cette époque-là. Voilà ça qu'il faut dire. Tu peux pas venir faire de la politique en France, hein? Bah écoute, voilà, j'aime bien. Est-ce que tu peux pas te présenter? Non, enfin, faudrait qu'on invente. Peut-être une circonscription électorale unique, peut-être faire, ça pourrait être bien, ça. Raoul, je te serre la main. Je suis vraiment ravi que tu sois venu et puis j'espère que t'as raison. Et ben voilà, et bonne suite aux médias. Hein. Franchement, continuez, lâchez rien du combat non plus. Hein. Merci. Thank you. une émission spéciale avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, la première d'une série avec des dirigeants politiques. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la France est bien encore une grande puissance? Vous y avez fait allusion dans la première partie de notre conversation. À partir du moment où elle n'a plus peut plus avoir de politique économique autonome, est-elle encore indépendante économiquement, militairement, politiquement même? Est-ce que véritablement c'est une grande puissance face aux États-Unis, à la Chine, à l'Allemagne ou à la Russie? Bon, tout dépend ce qu'on vise par la puissance. Ce qui est certain, c'est que la France n'est plus un État indépendant. Beaucoup de ses décisions se prennent dans le secret de la Commission européenne, il s'impose à notre peuple. Par exemple, la demande de supprimer les systèmes de retraite que nous avons. Mais auparavant, c'était la vente des barrages électriques, c'est la suppression des services publics. C'est l'Europe telle qu'elle est, l'Union européenne, est une machine à détruire tout ce qui l'entoure. Bon, après, nous sommes complètement dépendants des États-Unis d'Amérique sur le plan militaire, parce que deux présidents nous ont liquidés militairement, c'est François Hollande, qui a accepté qu'on en installe des batteries de missiles antimissiles en Pologne, ce qui voulait dire que du jour au lendemain, la dissuasion française n'a plus de sens. Et puis le président Hollande aussi, qui a accepté, comme ils disent, l'interopérationnabilité, ça veut dire parler tout anglais et mettre installé des logiciels que contrôlent les Nord-Américains, jusque dans le ministère de la Défense, c'est-à-dire, et sur certains de nos missiles. Et même pour les satellites que nous tirons, tout le système qui va remplacer le GPS américain. Les Américains ont obtenu qu'on mette les satellites sur une autre orbite que le GPS, de manière à ce que s'ils veulent nous couper, ils se coupent pas eux-mêmes. Et deuxièmement, ils ont obtenu d'être embarqués pour l'observation militaire. Donc voilà, nous ne sommes plus indépendants. Mon projet est de nous rendre de nouveau indépendants. Est-ce qu'on a des outils? Bah évidemment. Regardez, nous allons parler maintenant de la mer. C'est l'espace le plus vaste sur la planète. Il contient des richesses tout à fait extraordinaires. 71% du territoire de la planète, c'est de l'eau, c'est la mer. On en sait moins sur le fond de la mer que sur la planète Mars. Et nous, les Français, nous sommes le deuxième territoire du monde. Mais pour que l'État fasse son boulot, nous sommes ridicules. Je ne dis même pas inexistants, je vais jusqu'à ridicules. La totalité du territoire marin des Français est contrôlée par l'équivalent de ce qu'il faudrait pour contrôler tout le territoire terrestre de l'Hexagone. Comme si sur tout l'Hexagone, il y avait deux voitures de police. Eh bien, c'est l'équivalent, nous avons deux bateaux, si j'ose dire, pour contrôler tout ce territoire. C'est-à-dire que nous ne donnons aucun des moyens du contrôle, de la puissance, de l'investissement. Et c'est lamentable parce que les chercheurs français, les océanographes, jouent un rôle magique sur le plan mondial. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, l'espace. L'espace, nous sommes, personne ne le sait, le deuxième peuple du monde pour la cotisation individuelle à un budget de l'espace. C'est nous, les Français. Donc, on y met de la poche, hein. On est super bons. Les fusées qui sont françaises pour 90% de leur... Voilà, ce sont les Français. Les appareils embarqués. Est-ce que vous savez que la mission sur Mars, le truc là qui roule, là, le laboratoire est français, la caméra est française. Bon, alors les pneus sont américains et ça a été tiré avec une fusée américaine, mais je veux dire que dans cet attelage-là, nous sommes la partie quand même noble, hein, de l'affaire. Et puis rappelez-vous, la dernière mission spectaculaire qui a été la sonde Rosetta sur l'astéroïde Chturi. Alors c'est terrifiant, c'est une patate gelée avec une forme comme ça. On a posé une petite mouche là. Hein, et elle a observé tout ce qui se passait autour. Nous sommes donc une superpuissance intellectuelle. Moi, je mise tout là-dessus. Et dans le domaine... Alors là, pareil, on s'est fait liquider, parce que les Français ont admis des programmes communs avec les Allemands, qui ne respectent rien, qui ne prennent pas la fusée Ariane pour premier objectif, hein, c'est-à-dire que quand ils ont des satellites à tirer, ils font suivant leur humeur, avec des Américains ou avec d'autres. Bon, c'est totalement déloyal. Nous avons accepté que les États-Unis... on parle de l'espace, là... promulgue des lois absolument insupportables. Le traité de 1967 disait l'espace, c'est la propriété de l'humanité. Voilà, ben, ça appartient à personne. Vous interrogez quelqu'un dans la rue, il va dire, ah ben oui, les étoiles, tout ça, c'est à tout le monde. Enfin, en fait, c'est à personne, parce que encore faudrait-il y arriver. Les Américains ont voté une loi qui dit, ah ben non, non, le premier qui arrive s'empare de ce qu'il y a et ça lui appartient. Alors, cette loi peut vous faire sourire. Moi, au début, j'ai cru un gag. Je me dis, c'est pas possible, comment ils peuvent... Ben si. Et ils s'organisent pour ça. Ils ont des sociétés privées qui tirent des fusées sur différents astéroïdes, ils se préparent à ça. Mais on pourrait dire, ah bon, ben, ce sont les Américains, c'est une mentalité de cow-boy. Bon, mais toute la Terre entière est stupéfaite. Où trouve-t-on quelqu'un pour trouver ça génial ? En Europe. Et c'est le Luxembourg, grande puissance spatiale, comme chacun le sait, qui a décidé de créer sur son territoire le cadre juridique qui permet aux sociétés qui veulent s'emparer d'astéroïdes de le faire. Ils peuvent déposer leur titre au Luxembourg. Ils sont quand même membres de l'Union européenne, ceux-là. Qui a dit qu'on acceptait une chose pareille ? Ou, comme disait François Ier, quand on lui a appris le partage de l'Amérique entre l'Espagne et le Portugal, il a dit « Je voudrais voir le testament d'Adam qui dit que je suis privé de cet héritage. Hein ». Bon, ben moi, j'ai envie de dire pareil. Je voudrais bien savoir qui a décidé un jour que les Nord-Américains pouvaient s'approprier l'univers infini. Quant à la mer, il est évident pour nous, les Français, qu'on a intérêt à se bouger, parce que toute notre façade maritime sud, c'est la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une petite mer fermée, hein, 13 kilomètres de passage. Il y aura bientôt plus de plastique là-dedans que de poissons. Si nous sommes dans une situation de désastre en cours de réalisation. Dans la mer Méditerranée, évidemment, les ressources naturelles pour lesquelles les gens se battent sont dans les pires endroits, en face de Gaza et à Chypre, où se battent les Grecs et les Turcs. Imaginez-vous, monsieur Taddeï, que ces gens qui veulent faire des trous partout viennent à se rater, ce qui est arrivé à d'autres, comme dans le golfe du Mexique. Imaginez-vous qu'ils se ratent, hein, font un trou, pouf, ça marche pas. Ça commence à... Qui est-ce qui va aller reboucher le trou ? Où sont les outils ? Nous, les Français, nous savons faire des sous-marins. Nous avons eu les premiers sous-marins qui descendent dans des très grandes profondeurs avec une intervention humaine. Mais il n'y a pas le début du commencement d'un plan pour la Méditerranée. Tout au contraire, on avait un bon plan et on pouvait s'entendre avec les pays riverains. Les Allemands sont venus, on dit « Ah là là, non, non, ça nous intéresse tous ». Et vous avez ce résultat grotesque que les normes de pollution pour les navires en Méditerranée sont beaucoup plus laxistes qu'elles ne le sont en mer Baltique, où ce sont les Allemands qui sont occupés de faire appliquer des règles. Si bien que la grande puissance que nous sommes est bafouée, est défiée, et elle ne sait pas réagir, elle ne sait pas prendre... D'où ma question, est-ce que nous sommes encore une grande puissance, justement ? Oui, vous avez raison de vous poser la question, mais le problème n'est pas tant d'être une grande puissance, le problème est d'être une puissance utile. Bon, une puissance utile, il ne faut pas se tromper de cheval. Si vous passez votre temps à courir derrière les Américains et à passer par toutes leurs lubies et sous-stratégies, par exemple à désigner les Russes comme des adversaires, alors que maintenant, enfin, même le président de la République reconnaît que les Russes sont des partenaires, vous vous trompez de cheval. Parce que l'intérêt fondamental de la France est de s'entendre avec les Russes. Alors on me dit, oui, mais leur régime ne nous convient pas. Ben, c'est pas d'aujourd'hui. Et pourtant, sous le régime soviétique, c'est le général de Gaulle qui a fait un accord avec eux. Pareil pour la Chine. Nous sommes le premier pays à avoir reconnu la République populaire de Chine. Le premier, et pendant un temps, les seuls. Et alors ? Donc la France pacte avec des nations, avec des peuples. Donc il ne faut pas se tromper de cheval. Nous n'avons rien à faire derrière la locomotive américaine qui nous pille nos capacités intellectuelles et productives, qui nous mène comme ça à la trique, vous savez, dans des impasses, parce que voyez l'embargo qui a été mis sur certains produits russes. Les seuls à qui ça a profité, c'est les Russes, parce qu'ils ont remplacé les légumes et les fruits que les Européens, notamment les Français, produisaient, c'est eux-mêmes qui les produisent. Mais ça n'a jamais empêché, un seul jour, les compagnies nord-américaines de continuer à exporter chez les Russes, qui rigolent, hein, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de station spatiale internationale sans leur fusée pour y amener du monde, parce qu'ils savent très bien que tout ça n'a aucun sens. Cette agressivité qui est développée contre eux, maintenant, ça s'est calmé. Alors on est en train de s'en prendre aux Chinois, ce qui est sans issue. De même, la France ne doit pas se tromper. Elle doit coopérer de manière non alignée. Et je suis le porte-parole, si j'ose dire, de cet indépendantisme français, de ce non-alignement. Ça veut dire qu'on ne fait la politique de personne. Mais est-ce que c'est encore possible, alors même que vous le disiez, militairement, on a besoin des Américains pour quasiment tout. Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Pour nuire aux Russes et aux Chinois. Mais c'est à ça que ça se résume. La puissance nord-américaine coopère et veut qu'on coopère avec elle pour mener ces guerres invraisemblables, menées d'ailleurs en dépit du bon sens, parce que, comme explique ce qu'on a fait pendant presque maintenant, je ne sais pas combien d'années, depuis 2001 que nous y sommes, donc ça va faire bientôt 20 ans, c'est quoi le résultat en Afghanistan, quel était le but, d'ailleurs les gens ne s'en rappellent même plus, hein. On nous avait dit on vient là pour libérer les femmes, bon, très bien, mais on a confié la Constitution à une assemblée traditionnelle. On y a jeté, vous le savez peut-être, la plus grosse bombe de l'histoire humaine a été jetée sur l'Afghanistan par les Nord-Américains, c'est une bombe conventionnelle, mais la plus grosse qui ait jamais été fabriquée de l'histoire, c'est une puissance de feu équivalente à celle d'Hiroshima. Personne ne sait ni pourquoi on a jeté cette bombe, ni quel résultat on en attendait, ni quel résultat ça a donné. Donc tout ça, c'est l'Empire fait la guerre comme une espèce de mécanisme économique intérieur. Hein. L'argent qu'ils mettent dans les guerres revient chez eux. Ce sont leurs productions industrielles, ce sont leurs ouvriers qui donc font des prêts, achètent des maisons, des voitures, etc., etc. L'économie de guerre est au centre de la puissance nord-américaine. Tous les autres pays s'épuiseraient. Pourquoi peuvent-ils faire ça ? Parce qu'ils ont un privilège unique au monde. Ils peuvent imprimer autant de dollars qu'ils le veulent. Personne ne leur demande de contrepartie. Ils font ce qu'ils veulent. Et ça, ça date du 15 août 1971. Il faut donc bien analyser la superpuissance. Je ne serais pas loin de reproduire la formule de Mao Tse-Tung, ce qui n'est pas habituel dans ma bouche. À mes yeux, c'est un tigre de papier. Il faut saisir chaque occasion. Pour nous, parce qu'on est petit, hein, on ne va pas non plus raconter d'histoire. On est petit, mais terriblement audacieux et on peut être très allant. Comme on est petit, il faut choisir les occasions de manifester notre puissance. Non, on ne va pas aller faire le bagage accompagné des Nord-Américains en Syrie, ni en Irak. Et dans le chaos qui règne dans cette zone, les Kurdes sont un allié central pour nous, pas les Turcs. Et quand les Turcs nous tirent dessus, eh ben on réplique. Alors on m'a dit, vous voulez faire la guerre avec la Turquie, m'a dit le Premier ministre, je n'ai jamais proposé de faire la guerre avec la Turquie, mais je dis que ce n'est pas les Turcs qui décident où les Français ont le droit d'être en Syrie. C'est pourtant ce qu'ils ont fait. Et combien d'autres exemples de cette nature que je pourrais donner qui montrent que la France a manqué de souplesse, d'agilité, pour saisir les occasions au bon, de rappeler quel rôle elle joue et quelle est sa puissance. Nous ne sommes pas un petit pays, nous avons des moyens extrêmement nombreux d'agir, d'intervenir, de savoir. Bon, nous voyons depuis le ciel aussi bien que les Nord-Américains, je vous signale. La rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux. Mais la tête leur faisait défaut, elle avait roulé de son haut, la tête avec le chapeau dans le ruisseau des blancs manteaux. Charline Vanhoenacker, Agnès Buzyn a exposé son programme pour Paris dans le JDD, la campagne de la candidate En Marche est lancée. Oui, pour Agnès, entre les grèves dans les hôpitaux et une pandémie, oh, c'était devenu la routine. Alors ici, plus de temps à perdre. Il reste 3 semaines avant le premier tour. Ça, c'est l'audace. C'est choisir Agnès Buzyn pour sauver la municipale de LREM. Apparemment, ils n'ont pas vu comment elle a sauvé l'hôpital. Sinon, ils auraient peut-être pensé à quelqu'un d'autre. Alors hier, le JDD lui a demandé quelles étaient ses idées pour améliorer la sécurité des Parisiens. Eh ben, Agnès, c'est pas démonté. Alors déjà, ce que je conseille pour la sécurité, je le dis aux Parisiens, il faut qu'ils évitent de se rendre aux urgences. Il y a beaucoup trop d'attentes, c'est devenu dangereux. C'est normal, ça reste sa principale expérience civile, elle est médecin. Donc quand elle panique, ah là là, mais j'ai à peine 36 heures pour torcher un programme, c'est pas grave, c'est le temps d'une garde. Agnès, t'as qu'à penser que Paris, c'est un CHU. Voilà. Après tout, que tu t'adresses aux aides-soignants ou aux Parisiens, ça revient au même. Dans les deux cas, ils tirent la gueule, ils ont trop de travail, ils manquent de lits. À La République En Marche, on est tout à fait capable de transformer un ministre de la Santé en candidat au municipal. Il suffit de changer la puce qui est située là, juste là derrière la nuque. Hein, tout le monde est interchangeable. Le président de l'Assemblée peut devenir ministre de l'écologie. La ministre des Transports peut devenir ministre de l'écologie. Et même, attention, le ministre de la Culture pourrait devenir ministre de la Culture. Alors oui, c'est vrai, l'alerte est maximale face au coronavirus. Et donc, ça paraît étrange de voir la ministre de la Santé quitter ses fonctions. Mais bon, on n'a rien dit quand deux ministres de la Transition écologique ont fait pareil en pleine urgence climatique. Toutefois, c'est pour la personne qui est mutée que c'est le plus difficile. Le problème de la Agnès ministre, c'est que depuis des mois, elle est habituée à répondre non à tout ce qu'on lui réclame. Et aujourd'hui, la Agnès candidate en campagne, il faut qu'elle fasse exactement l'inverse. Et aussi, depuis des mois, elle s'assied à l'arrière d'une voiture qui démarre toute seule parce qu'elle a un chauffeur. Puis là, on lui dit, Agnès, pour ton image, ce serait bien que tu viennes en vélo. Ok, très bien. Peut-être, je comprends pas, je m'assieds, ça n'avance pas. Comment ça, il faut pédaler? Alors, je conclurai en saluant le défi dans lequel on l'a poussée. Enfin, elle s'est lancée. Surtout quand elle dit, j'y vais avec mon cœur. Et ça, c'est vrai que par rapport à son prédécesseur, on n'est plus du tout sur le même organe. Merci, monsieur le président. Pendant la commission spéciale, on a un moment parlé des militaires et on m'a rétorqué que, évidemment, les militaires risquant leur vie pour la patrie, il fallait qu'ils aient une retraite spéciale. Et j'avais répondu que, du coup, les pompiers risquant leur vie pour la patrie, ils méritaient de même. Bon, je n'avais pas eu de réponse. C'est devenu un petit peu une habitude. Monsieur le ministre, je ne veux pas être tatillonne, mais on ne peut pas juste, je ne sais pas, enfin, s'habituer à entendre « je ne peux pas m'engager davantage ». Vous ne pouvez pas vous engager davantage, monsieur le ministre. Une revalorisation est pour le moment promise. Est-ce que, si demain il arrive quelque chose à l'un d'entre nous sur ces bancs, vous accepteriez qu'un pompier vous dise « un soin vous est promis » Quand, où, comment, à quel instant, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Je ne peux pas m'y engager pour le moment. Non, mais soyons sérieux. On est en train de voter un texte de loi. On est en train de voter un texte de loi sur des éléments logiquement clairs et précis. Là, nous n'avons aucun élément clair et précis. Nous allons rentrer dans nos circonscriptions, rencontrer les hommes de feu. Ils vont nous dire alors qu'est-ce qui s'est dit. Je vais leur répondre. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous engager davantage. Voilà les réponses que je vais pouvoir leur apporter. Ce n'est vraiment pas sérieux. Nous passons. On a une grue sur le vieux port avec des dents longues comme la faim et qui dégrafe tous les marins ont l'âme chagrine et le cœur d'or. C'est à Marseille que je vais la voir quand le soleil se fout en tweed et que le Mistral joue les caïdes. C'est à Marseille qu'elle traîne le soir. Elle a des jupes embarquées, tous les chalands qui traînent la nuit et des froufrous qui font tant de bruit qu'on les entend au bout du quai. Un peu de soi, c'est une putain qui aime que la braise, et moi j'appelle la Marseillaise, c'est bien de moi que je me vois. Arrête un peu que je vois si tu fais le poil. Et si j'en aurais pour mon fric, arrête un peu que je vois si les étoiles. Combien je te dois. Je connais une grue dans mon pays avec les dents longues comme le bras qui dégrafait tous les soldats qui avaient la mort dans leur fusil. C'est à Verdun qu'on peut la voir quand les souvenirs se foutent en prise et que le vent d'Est pose sa valise et que les médailles font le trottoir. Embarquer tous les traînes putains qu'elle rencontre, et il paraît qu'au bout du compte, ça en fait un drôle de paquet. Il suffit d'y mettre. mettre un peu de soi. Au fond, c'est une chanson française, mais qu'on l'appelle la Marseillaise, ça fait bizarre dans ces coins-là. Arrête un peu que je vois si t'as de la voix. Si j'en aurais tous mes galons, arrête un peu que je vois et puis que j'abreuve tous vos sillons. Et je vous dirai combien ça fait. Je connais une grue qui a pas de principe, les dents longues comme un jour sans pain, qui dégrafait tous les gamins fumant leur vie dans leur casse-pipe. C'est dans les champs qu'elle traîne son cul, où il y a des croix comme des oiseaux, des croix blanches plantées pour la peau des autres bien entendu. Celle-là on peut jamais la voir, à moins d'y voir les yeux fermés, elle périscope dans les trous de nez, bien allongée sous le boulevard. Suffit de leur filer quatre bouts de bois, et de faire leur lit dans un peu de glaise, et de leur chanter la Marseillaise, et de leur faire une belle jambe de bois. Arrête un peu tes cuivres et tes tambours et ramène-moi l'accordéon. Arrête un peu tes cuivres que je puisse finir ma chanson. Le temps que je baise. En octobre dernier, nous vous annoncions que le Média TV allait poursuivre en justice les multinationales et les milliardaires français refusant de respecter l'obligation légale de publication de leurs comptes, afin de pouvoir enquêter sur les premiers de cordée du capitalisme. Grâce au soutien des sociaux, nous avons pu lancer ces procédures en escadrille, telles que nous nous y étions engagés, et nous avons de bonnes nouvelles. D'abord, ces actions créent le débat espéré. De nombreux titres de la presse, tels que Capital, ont largement relayé cette initiative. Et d'autres journaux, comme Les Échos ou Le Figaro, ont préféré ruer dans les brancards en nous accusant de déstabiliser les grands groupes et de raviver la chasse aux riches. C'est bien la preuve que la transparence économique et démocratique est encore très loin d'être acquise, malgré les attentes de la population et notamment celles des Gilets jaunes. Ces actions, elles font également débat à l'Assemblée nationale. Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français, a rejoint notre action contre Bernard Arnault et il a écrit une proposition de loi visant à durcir les sanctions contre les sociétés opaques le 2 décembre 2019. Ce texte propose que le législateur empêche ces sociétés fraudeuses de candidater à un marché public ou de demander un agrément public tant qu'elles ne présentent pas la preuve du dépôt de leur compte au greffe du tribunal de commerce. Le texte demande également à ce qu'elles payent une amende dissuasive, pouvant atteindre 2% de leur chiffre d'affaires tant que ces entreprises ne publient pas leurs comptes. Pour rappel, ce type d'amende existe déjà, mais elle ne concerne aujourd'hui que les seules entreprises du secteur agroalimentaire. La seconde bonne nouvelle, c'est que notre première action au tribunal de commerce a porté ses fruits. Nous avons réussi à obtenir de la Première Fortune mondiale, propriétaire de LVMH et copropriétaire de Carrefour, qu'elle publie les comptes de sa maison mère. Monsieur Arnault, qui dissimulait obstinément ses comptes depuis maintenant 9 ans, les a déposés en décembre, la veille de l'audience à laquelle on lui avait donné rendez-vous. Le dossier Arnault ayant maintenant abouti, nous avons donné rendez-vous au tribunal à d'autres grands groupes français. On tient au passage à remercier chaleureusement notre avocate, maître Caroline Substelny, qui est chargée de la mise en œuvre de ce projet. Après nous avoir confirmé qu'il était fondé juridiquement, elle a envoyé une série d'assignations en référé injonction. C'est en somme une procédure d'urgence permettant que les affaires soient jugées dans de très brefs délais, les 21 janvier et 5 février 2020 au tribunal de commerce de Nanterre. Jusqu'au jour de l'audience, les groupes que nous assignons peuvent publier leurs comptes s'ils le souhaitent. C'est notamment ce qu'a décidé de faire la société Webedia, détenue par le milliardaire Marc Ladrette de la Charrière. On a bon espoir que les autres groupes se conforment eux aussi à la loi pour éviter les poursuites. Mais quoi qu'il en soit, dès qu'une société évitera le litige, on en assignera une autre. On a par exemple assigné la société Blablacar, qui ne publie pas ses comptes, à la place de Webedia. Que nous révèle donc la publication des comptes de Bernard Arnault, première fortune nationale et première fortune mondiale? Elle nous révèle que le groupe Arnault a réalisé 1,071 milliard d'euros de profits entre 2013 et 2018, issus des différentes filiales du groupe. Sur cette somme, la famille Arnault a prélevé en 2015 un pactole de 619,3 millions d'euros suite à la vente des parts détenues chez Hermès. Monsieur Arnault était entré masqué au capital d'Hermès grâce à des produits financiers complexes et il en ressort considérablement enrichi, ayant seulement écopé d'une amende de 8 millions d'euros de l'autorité des marchés financiers en 2013. Dans la même période, 2015-2018, la maison mère n'a eu à payer presque aucun impôt sur les sociétés. Mieux encore, elle a bénéficié d'un remboursement d'impôts effectué à la holding familiale pour un montant de 46,3 millions d'euros. Alors nous avons mis sur le coup notre équipe d'analystes pour comprendre quel est le taux d'imposition effectif auquel est soumis le groupe Arnault. Les comptes, ils viennent également confirmer que le Bernard Arnault a organisé une migration financière en Belgique. Il apparaît en effet que ces trois sociétés belges, Pilinvest Investissement, Pilinvest Participation et Beholding Belgium, détiennent à présent 81% du groupe Arnault en usufruit ou en pleine propriété. Ça représente au total 3 milliards d'euros transférés en Belgique. Et ce voyage fiscal permet à Bernard Arnault d'échapper à l'imposition française sur les plus-values et d'organiser sa succession en minimisant les droits. Mettre en lumière les profits des milliardaires et des multinationales, ça nous permet de mesurer précisément le fossé qui se creuse entre les classes sociales. En période de crise économique et de pouvoir d'achat en berne, on peut constater paradoxalement que les marchés financiers enregistrent des profits records. Quant aux grands actionnaires, ils s'enrichissent plus que jamais. Mais ce constat ne doit pas être une fin en soi, il nous faut aller plus loin. On a reçu des messages de salariés, syndicalistes ou pas, qui souhaitent réaliser le même type d'action que le Média TV pour mettre fin à l'opacité de leur entreprise. Presque tous s'accordent à dire que la dissimulation des comptes sociaux a une incidence sur leurs conditions de travail. Leur direction leur demande souvent de travailler dur et de travailler à vil prix, invoquant la crise économique pour justifier leur sort. Mais ne pouvant pas s'informer des bénéfices de leur entreprise, auxquels ils ont pourtant largement contribué, il leur est presque impossible de négocier leur salaire, leur participation et leur intéressement. Sans transparence économique, la répartition des richesses ne peut qu'être inéquitable. C'est la raison pour laquelle, dans la description de cette vidéo, nous allons mettre à votre disposition une boîte à outils qui vous permettra de forcer la publication des comptes de votre société tel que nous l'avons fait aux médias. Vous y retrouverez en open source des références juridiques, un modèle d'assignation et des informations sur les modalités de mise en œuvre de ce genre de procédure. C'était un second point d'étape avec vous concernant l'avancée de ces assignations et de ces enquêtes. On va bien sûr continuer à vous tenir informés de toutes ces démarches. Pendant ce temps-là, on va continuer donc les actions judiciaires, les enquêtes, sur ces entreprises qui refusent la transparence économique, bien qu'elle soit pourtant exigée par la loi, et qui se servent souvent de cette opacité pour se soustraire à la solidarité nationale. De notre côté, nous allons continuer à nous assurer que ces entreprises respectent enfin la loi. Nous aurons du pain doré comme des filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent, lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits, les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer

de l'exécutif sont repris sans beaucoup d'esprit critique, sans analyse ni recul. La Croix fait un baromètre annuel. La confiance dans les médias dits mainstream reculait de manière considérable année après année. Ah non, c'était pas mieux avant du temps de l'ERTF. La censure, elle est beaucoup plus... Il y a plus de chaînes. Ces chaînes n'ont pas été un gage de pluralisme et de démocratie en termes de qualité dans la conduite des interviews, dans le maniement de la langue française. On a très largement régressé avec des émissions de télé-réalité ou des magazines qui n'en sont pas, de la pub à outrance, qui sont là pour crétiniser. Hein. Quelqu'un l'avait théorisé, l'ancien patron de TF1. Moi, mon boulot, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Tout était dit. Nous, on y échappe. On est dans un GIE Les Indés qui regroupe 130 radios commercialisées par TF1. Donc, si vous voulez, on bénéficie d'une pub mutualisée. On peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas un annonceur qui va nous appeler en disant « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On a un actionnaire unique qui ne dépend pas des commandes de l'État, qui est complètement... indépendant, qui nous fiche une paix royale, et il nous demande simplement de faire des débats, de dire toujours la vérité avec de la hauteur de vue, de ne pas se transformer en procureur ou en homme politique ou en moraliste, et que plus les faits sont graves, plus il convient d'avoir du recul. Donc on a ces deux chances, et ces deux chances, on les saisit à bras le corps et on essaie d'en faire bon usage. Ça me laisse totalement indifférent, parce que d'abord il est inopérant. Aujourd'hui, le simple fait d'avoir été dans la rue pendant un an pour montrer ce que vivaient les Gilets jaunes m'a valu, de la part du système, ce genre de qualificatif. Je ne me revendique pas Gilets jaunes, je ne suis ni leur conseil ni leur gourou. Mais si la question est de savoir si j'ai toujours de la sympathie et si je trouve leur combat juste, j'ai toujours de la sympathie pour les Gilets jaunes. Et je trouve qu'ils ont beaucoup apporté à la société française par leur transversalité, par leur horizontalité, et que depuis les Gilets jaunes, plus rien n'est comme avant. Donc merci, merci beaucoup les Gilets jaunes. Il y a beaucoup de journalistes, éditorialistes, militants. Ils sont militants d'eux-mêmes, de leur nombril, et militants de l'exécutif, sauf qu'ils ne le disent pas. Ils sont militants de leur corporation. Donc moi, je préfère quelqu'un qui affiche la couleur. Moi, je ne crois pas du tout à l'objectivité journaliste, c'est une tarte à la crème. L'objectivité n'existe pas, on a toujours un angle. Ce qui existe, c'est la subjectivité et la sincérité. Mais si vous dites, voilà qui je suis, voilà d'où je parle, voilà ce que je filme et voilà mon propos, au moins c'est clair. Après, on adhère pas. Si vous êtes engagé plutôt à gauche, que vous voulez vous faire passer pour un proto-libéral, ça va être un peu compliqué. Mais si vous ne mentez pas, vous êtes un journal d'opinion, il faut le dire. Mais simplement, il n'y a pas de hiatus pour moi, mais il faut annoncer la couleur. Je trouve que c'est un peu un faux débat, puisque quand je regarde par exemple l'interview de Juan Branco hier sur BFM, qui était proprement scandaleuse, une honte qu'on devrait montrer dans toutes les écoles de journalisme pour le contre-exemple absolu, c'était de la haine à l'état pur. Ça, c'est du militantisme déguisé au nom d'une pseudo-objectivité. En fait, c'est la France en marche. En temps de paix, imaginez qu'une journaliste se comporte comme ça dans des temps un peu plus troubles. Ça fait quand même frémir. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri des Pinochet en puissance, travaille aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coup d'un interrogatoires, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac, qu'on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'ils me ratatinent pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'il ne me condamne à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du beau Dédé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester qu'en 1967 je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60 j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marais du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir il me coupe les dix doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Rara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri des Pinochets. En puissance travaille aussi du képi, travaille aussi du képi. C'est une page sombre et honteuse de notre histoire. Celle de la France collaborationniste du régime de Vichy et du maréchal Pétain, de 1940 à 1945. Aujourd'hui encore, Vichy abrite un secret bien gardé. Un secret qui dormait dans les archives depuis plus de 70 ans et qui se cache derrière un nom insignifiant, le service des contrôles techniques. Le nom service des contrôles techniques, ça planquait un peu l'activité. Service des contrôles techniques. SCT. Trois lettres qui dissimulent une incroyable histoire d'espionnage. Une vaste opération d'écoute et de lecture de courriers dont a été victime la population française dans son ensemble. C'est la seule fois dans l'histoire de France qu'il y a eu un espionnage de la vie privée des Français à une telle échelle. Vous avez 2 millions de lettres à peu près qui sont lues tous les mois. Objectif de cet espionnage à grande échelle, connaître les pensées secrètes des Français et surtout aider le maréchal Pétain à gouverner. Gouverner, c'est savoir. Et donc savoir, quand on a la possibilité d'entrer dans le courrier des gens et dans leur intimité, dans leurs secrets, c'est un moyen formidable. Le secret était d'autant mieux camouflé que le SCT ne s'est pas contenté de jouer les instituts de sondage occulte. Il est devenu une terrible machine à broyer. Pendant les 4 années d'occupation, les contrôles techniques ont livré une chasse aux opposants et surtout aux Juifs. Le service des contrôles techniques est un instrument de la police politique qui est mise en place par l'État. C'est une arme de destruction policière massive.

et les mesures économiques qu'il prend enfoncent un peu plus le peuple dans la pauvreté. Résumons. Les Prussiens occupent le pays, le gouvernement français étrangle le peuple et les Parisiens, qui se sont forgés une mentalité de révolutionnaires contre les Prussiens pendant le siège de Paris, sont en colère. C'est une situation explosive, d'autant que les Parisiens ont gardé leurs fusils et environ 300 canons. L'étincelle intervient au matin du 18 mars 1871. Le chef du gouvernement, Adolphe Thiers, envoie l'armée récupérer les canons de Paris stockés sur la butte Montmartre. Femmes, enfants, vieillards affluent pour faire barrage. Un général ordonne de tirer sur la foule, mais les soldats refusent. Alors, des barricades sont levées partout dans la ville et le général est exécuté l'après-midi même. Thiers et ses ministres fuient Paris pour Versailles. Les Parisiens jubilent et organisent des élections. Le 26 mars, l'extrême gauche obtient la majorité. Comme la municipalité de Paris s'appelait la Commune pendant la Révolution française, on reprend ce nom. La Commune de Paris est proclamée devant une foule enthousiaste, place de l'Hôtel de Ville. Le drapeau rouge, symbole d'insurrection, flotte partout. Parmi les élus, des ouvriers, des artisans, des journalistes, des avocats, des médecins et des artistes. Ils sont républicains, socialistes, anarchistes, c'est l'extrême gauche révolutionnaire. Beaucoup de patrons et de bourgeois quittent la capitale sans demander leur reste. Les partisans de la commune, les fédérés ou communards, réquisitionnent les ateliers de production. C'est aux ouvriers de les gérer eux-mêmes. On instaure la gratuité des loyers pendant quelques mois, on envisage une justice gratuite, les salaires des instituteurs doublent, les écoles deviennent obligatoires, gratuites et laïques. On se méfie de la religion. Dans les églises s'installent des clubs de discussion où tous peuvent prendre la parole, hommes comme femmes. Car il y a aussi des femmes combattantes. C'est un incroyable laboratoire social qui accueille même des militants d'autres pays européens. Mais le gouvernement officiel veut mater la rébellion. Il renforce son armée. Dès le 2 avril, les combats font rage aux portes de la capitale. Et les communards vont de défaite en défaite, tandis que dans les quartiers cossus, on espère la victoire du gouvernement. Le 21 mai, profitant d'un concert aux Tuileries, les Versaillais, rappelons que le gouvernement est installé à Versailles, entrent à Paris. C'est le début de la semaine sanglante. 130 000 militaires contre quelques dizaines de milliers de fédérés. La répression est féroce. Quiconque a des traces de poudre sur les mains ou ressemble à un communard est fusillé. En réponse, les communards tuent des otages, dont l'archevêque de Paris. Puis, par désespoir ou pour empêcher l'armée d'avancer, mettent le feu à plusieurs monuments de Paris. Le palais des Tuileries, le palais de justice, l'hôtel de ville, en vain. L'ultime bataille au cimetière du Père-Lachaise, où les derniers fédérés se sont retranchés, finit à coups de baïonnette. 147 communards sont fusillés devant un mur du cimetière devenu tristement célèbre, c'est le mur des fédérés. Le 28 mai 1871, la dernière barricade tombe, la commune est finie. Entre 10 000 et 20 000 Parisiens sont morts au combat. 43 000 hommes, femmes et enfants subissent maintenant des représailles. Ils sont emprisonnés ou déportés vers la colonie française la plus éloignée, la Nouvelle-Calédonie. Pour les autres, ceux qui ont échappé aux arrestations, c'est l'exil. La commune n'a duré que 72 jours et pourtant, elle hante toujours les esprits. Pour la gauche, elle est un mythe fondateur. Marx et Engels y voient la première dictature du prolétariat. Sa mémoire s'est transmise grâce à des dizaines de milliers d'écrits, mais aussi grâce aux chansons. Et oui, l'International, le chant des luttes ouvrières, a été écrit par un communard, tout comme la célèbre chanson « Le temps des cerises ». Deux leitmotivs qui accompagnent encore régulièrement les manifestations en souvenir de la commune et de son espoir de meilleur lendemain. Premier amour, près de l'usine à Graz. Premier rêve, près du vieux canal. Premier baiser, près de la raffinerie. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. J'ai entendu la sirène des docks, vu le pétrole mettre la nuit en feu, senti le printemps dans les fumées du vent. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. Clouds are drifting across the moon, cats are prowling on their beat, springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make a good sharp axe, shining steel, tempered in fire. I'll chop you down like an old dead. The sun ran from the docks, the train set the night on fire. Smell the spray on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Dirty old town, dirty old town. Bonjour, ou bonsoir plutôt. Je vous parle depuis l'Assemblée nationale où nous venons d'apprendre de la bouche du Premier ministre que l'article 49 alinéa 3 de la Constitution s'appliquerait au débat sur la loi de réforme des retraites. Le Premier ministre a procédé d'abord, pour ce qui est de la forme, d'une manière totalement déloyale. Il ne prévient personne. Il surgit à l'Assemblée nationale à 17h40 et j'ai fait ce que j'ai pu comme président de groupe pour être présent, mais je suis arrivé après son départ. Il n'a donc salué personne, prévenu personne. Et nos camarades qui étaient dans la salle n'ont pas eu le droit à la parole. Ils étaient trois, comme c'était le tour de rôle qui était organisé. Le discours du Premier ministre était lui aussi extrêmement offensant sur la forme, puisque il a recommencé le petit numéro d'après lequel l'opposition, les oppositions, et en particulier les insoumis, seraient responsables du dépôt du 49-3. Ils le seraient à cause de leurs amendements, qui ont été qualifiés d'amendements d'obstruction. Ceux qui parmi vous ont suivi les débats savent que si nous n'avions pas eu la sagesse de déposer un grand nombre d'amendements dès les premiers articles de la loi, eh bien nous nous exposions à ce que les questions essentielles ne soient jamais évoquées parce qu'elles se seraient trouvées plus loin et que le gouvernement aurait déposé le 49-3 pour empêcher que le débat ait lieu. Regardez comme c'est symbolique. Le 49-3 s'applique après qu'on ait eu comme dernière discussion une discussion sur les publics auxquels s'applique la nouvelle loi, et nous allions arriver aux articles qui traitent de la manière dont cette loi est organisée, c'est-à-dire la valeur du point, etc., etc. Il y a donc en quelques minutes beaucoup de symboles qui sont rassemblés, la volonté délibérée qu'on ne discute pas, la volonté d'humilier l'opposition, de lui couper la parole, et en lui imputant la responsabilité de la situation. Car de tout ce que j'entends déjà, c'est cela le plus infâme. Ils disent c'est eux qui ont provoqué cette situation, c'est les insoumis, c'est les communistes, en s'opposant. Et par conséquent, en gros, ils l'ont bien cherché. Le raisonnement d'après lequel la victime a bien cherché son malheur vous est connu. Et il est aussi insupportable ici qu'il l'est ailleurs. Le procédé, enfin, est aussi rustre, grossier, parce que convoquer un conseil des ministres par surprise un samedi pour y parler du coronavirus et ensuite avoir comme décision, au passage et dans la foulée, le 49-3, c'est évidemment pas très élégant. Et on peut dire que le coronavirus sert de prétexte dans cette histoire pour faire oublier ou pour faire avaler la brutalité de la décision. La bataille continue. Ne vous laissez pas impressionner. Ne croyez pas que ce soit fini parce que le prince l'a décidé. Il y a deux lois qui sont ici. Le 49-3 ne s'applique qu'à l'une des deux. L'autre, nous allons la serrer très fort. Le texte va partir au Sénat. Le Sénat, les marcheurs y sont fort heureusement minoritaires. Puis la loi reviendra à l'Assemblée et nous, on ne lâchera rien. Par conséquent, je vous appelle à manifester de toutes les façons possibles, dans le respect de la loi et de la tranquillité publique, bien sûr, mais de faire connaître le dégoût que vous suggère, comme il nous suggère à nous ici, un procédé pareil, une interdiction de parler, la volonté de passer en force une loi qui va modifier la vie de millions de personnes, et pour des générations, si cette loi finit par passer, ce qui, je l'espère bien, ne sera pas le cas. Ici, dans l'Assemblée nationale, on entend déjà quelques-unes des clameurs qui viennent de la place qui jouxte l'Assemblée. Le syndicat CGT de la région parisienne ont appelé à se rassembler vers l'Assemblée nationale. On me dit que des avocats convergent ici. Et j'ai reçu l'information que dans plusieurs villes de province, en région, des regroupements s'opéraient. Mes amis de Toulouse viennent de me le dire. Mes amis de Lille me le confirment. En toute hypothèse, sachez que la limite, c'est toujours la résistance qu'on oppose à la loi du plus fort. Le plus fort l'est pour l'instant. Il est du fait d'une constitution qui donne des pouvoirs monarchiques au président de la République et à son collaborateur, le Premier ministre. Mais ce qui reste toujours le plus fort, c'est l'expression que donnent les citoyens à leurs sentiments. Monsieur Macron ne peut pas croire qu'on peut gouverner comme ça de force contre le peuple français. Il ne peut pas croire que toute opposition est vouée en définitive à la fin à lui obéir. Nous ne lui obéirons pas. Vous ne lui obéirez pas. Vous prendrez vos dispositions pour être présent, pour montrer que vous vous opposez à cette décision du 49-3, que votre cœur demeure fermement républicain et démocratique. De la même manière, quand le 49-3 va passer à l'Assemblée, je vous appelle partout où vous le pouvez, à vous rassembler. Rassemblez-vous pour montrer que nous ne sommes pas les parlementaires seuls dans l'hémicycle et que dans l'hémicycle, nous ne sommes que la représentation du peuple profond de la France qui s'oppose à ce qu'on la prive d'un de ses plus beaux acquis, issus des luttes, la sécurité sociale, le régime des retraites. Tout cela, ce sont des choses essentielles de notre vie commune. L'unité de la nation est fondée d'abord et avant tout, non pas sur des histoires de religion, de couleur de peau ou de genre. L'unité de la nation, c'est d'abord son unité sociale, celle de son peuple, qui se rassemble en pensant aux soins des autres. Défendre la retraite, c'est défendre le soin des autres. Et c'est cela qui nous fait un seul et même peuple. C'est ça que vous allez montrer. C'est pourquoi vous devez vous mobiliser. Les gens, ne vous laissez pas faire. Si vous vous laissez faire, vous serez tondu. Ces gens ne nous ont jamais rien donné. Tout a toujours été pris par la lutte. Eh bien, il faut que les retraites soient sauvées par la lutte et améliorées. Le moment venu, bien sûr. Ce moment viendra. Je vous dis bonsoir en vous appelant à vous mobiliser. C'est une grande jouissance pour moi de vous présenter ce soir l'extraordinaire numéro de double vue et de transmission de pensée qui va être exécuté devant vous par le Sar Rabindranath Duval. Alors je ne balance pas plus longtemps pour vous présenter cette extraordinaire et prodigieuse personne, le Sar Rabindranath Duval. Votre sérénité. Ouais. Vous avez une touche là-dessus, c'est quelque chose. Hein? Il faut regarder. Oui. Votre sérénité, vous êtes, je crois, un authentique descendant des Tsars de l'Inde. Oui. Vous êtes, je crois d'ailleurs même que votre père était hindou. Mon père était hindou. Oui, votre arrière-grand-père. C'est hindou aussi. Oui, et votre arrière-arrière-grand-père. Lui, c'est hindou. Vous voyez, c'est... Le Tsar, d'ailleurs, est né dans l'Inde. Vous êtes né dans l'Inde, votre sérénité. Je suis né dans l'Inde. Oui, à quel endroit dans l'Inde? Châteauroux. Voyez. Oui. Merveilleux, la réponse à tout, en plus. Et je crois que vous avez hérité de ce prestigieux ancêtre un certain nombre de double vues. Je vois, oui, je vois double. Vous voyez double, il voit double. C'est oui. Héréditaire. C'est héréditaire. C'est à ta vie. Non, c'est à moi. Non, enfin, c'est à... Je veux dire, c'est congénital. Non, c'est quand j'ai trop bu. Oui, enfin, ça revient, mais ne discutons pas là-dessus. D'ailleurs, pour conserver, pour entretenir son don de double vue, le Tsar absorbe une nourriture spéciale. Qu'est-ce que vous prenez pour votre dîner, votre sérénité? Nourriture à l'huile. Une nourriture à l'huile, et pourquoi? Parce que les Tsars dînent à l'huile. Voilà, il a absolument une réponse à tout. Eh bien, nous allons nous livrer, si vous le voulez bien, même si vous ne voulez pas, d'ailleurs, ça sera le même prix, ouais, et pas beaucoup d'ailleurs, il faut bien le dire, ouais, mais ça c'est une autre histoire, escroc. Mal élevé, ouais. Bitnik, Provo. Nous allons nous livrer devant les personnes de l'assistance publique à quelques expériences de transmission de pensée. Votre sérénité, vous êtes concentré? Je suis concentré, oui. Il est concentré, c'est merveilleux. Votre sérénité, voulez-vous me dire, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur? Je suis placé sous le double signe zodiacal du lion et du fox à poil dur. Oui. Quel est son caractère? Contractuel et contraceptif. Oui. Et son avenir? Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura devant le dos chaque fois qu'il prend demi-tour. Ah, parfait. Très bien. Voulez-vous me dire à présent quel est le signe zodiacal de mademoiselle? Vous avez placé sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire avant de s'en servir. Oui. Quel est son avenir? Conjugal et prolifique. Prolifique. Elle aura des enfants? Oui, des jumelles. Des jumelles. Combien? Une paire. Une paire. Avec la courroie, elle est tuée. Avec la courroie, elle est tuée. Merveilleux, voyez, il sait tout, il voit tout. Donnez-moi à présent, je vous prie, les signes zodiacales de monsieur. Neptune, Mercure, Chrome. Oui. Et quels sont ses goûts? Monsieur a des goûts... sportifs. Sportif. Son sport préféré? Le sport cycliste. Le sport cycliste, il peut le pratiquer sans inconvénient? Oui, mais à condition toutefois de se méfier. Se méfier de qui, de quoi? De certaines personnes de son entourage qui estiment que ses compétences dans le domaine de la pédale risquent d'exercer une fausse influence sur son comportement sentimental. Ah, parfait. Et alors, qu'est-ce que vous le conseillez? Municipal ou... Oui. Je lui conseille de ne pas changer de braquet, mais de surveiller son guidon. Parfait! Très bien, formidable! Voulez-vous me dire à présent, je vous prie, quelle est la teinte des cheveux de monsieur? Monsieur a des cheveux... auburnes. Auburnes. Auburnes de quelle nuance? Noir. Noir, auburnes noir. Il est coiffé comment? Avec une raie. Avec une raie, auburnes noir, bien entendu. Voulez-vous me dire quelle est sa taille? C'est la taille de monsieur, 1m72 debout, 1m56 assis, 0,85 roulé en boule. Ah! Et il pèse combien? Deux fois par mois. Non. Excusez-le, il ne parle pas bien français, n'est-ce pas? Non, excusez-le. Je vous demande son poids, POIX. Ah! 72 500 sans eau, sans gaz et sans électricité. Oui, son degré d'instruction. Monsieur secondaire. Oui, monsieur a des diplômes. Oui, monsieur est licencié. Licencié. Licencié au RTF. Licencié au RTF, ce qui signifie... Travailler au RTF et qu'on a foutu à la porte. Ah, voilà. Parfait, alors, tout à fait autre chose. Voulez-vous me dire, je vous prie, et combien monsieur a-t-il de dents? 30 de dents et de dehors. Oui, monsieur a-t-il des complexes? Oui, monsieur fait un complexe. Quel complexe? À un certain moment, il prend sa WC pour une lanterne. Ah, et alors? Ben alors, il se brûle. Il se brûle, forcément. Je vous prie, votre sérénité. Et de quelle nationalité, madame? Française. Oui, et son père? Esquimau. Oui, et sa mère? Faut que je t'ai surprise. Très bien. Et ta sœur? La sœur est belle-mère quand elle mettra la... Oui, non, non, non, non, s'il vous plaît, hein. S'il vous plaît, hein. Espèce de mal élevé. Pouvez-vous me dire le numéro du compte en banque de madame? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, c'est parfait. Sous-vêtements de monsieur. Monsieur porte un slip. Oui, et en quoi est-il? En chasselet climatisé. Ah, et de quelle teinte? Saumon fumé. Très bien. Puisque par là, il y a un signe particulier, ce sous-vêtement. Oui, il y a quelque chose écrit dessus. Ah oui, quoi donc? Suivez la flèche. Ah. À présent, alors, puisqu'on parle de signe particulier, monsieur, que voici, que voilà, qu'il est un signe particulier. Oui, monsieur, un tatouage. Un tatouage, c'est bien exact, monsieur, je ne lui fais pas dire, n'est-ce pas, vous voyez. C'est mieux que lui. Et voulez-vous me dire où se trouve situé le tatouage de monsieur? Je suis très fatigué, c'est extrêmement délicat. Écoutez, je vous demande de répondre, hein. Ne faites pas encore le chiquet comme ça. Hein. Le chiquet, quand même. Bon, enfin, le tatouage de monsieur est situé à un endroit que l'honnêteté et la décence m'interdisent de préciser davantage. Oui, ah bon, parfait. Qu'est-ce que vous entendez par là? Par là, j'entends pas grand-chose. Je vous demande à présent pour sérénité. Mon Dieu, qu'il est bête. Votre s'il vous plaît. Voulez-vous me dire alors que représente le tatouage de monsieur? Le tatouage de monsieur représente, enfin, lorsque monsieur est dans de bonnes dispositions, le tatouage de monsieur représente d'un côté la cueillette des olives en Basse-Provence, hein, et dans l'autre un épisode de la prise de la semaine à l'île de Calère par les troupes du duc d'Aumale en 1843. Oh, et bon, c'est en couleur! Et c'est en couleur! C'est bien exact, monsieur! Mes félicitations, vraiment mes félicitations, mes compliments, madame. Madame a de la lecture pour les longues soirées d'hiver. C'est parfait. Votre sérénité, vous avez été absolument merveilleux. C'est vrai, il faut le reconnaître, il est sensationnel. Il est vareuse. Il est unique, je me suis trompé de vêtements. En tout cas, l'applaudissement bien fort pendant que sa sérénité envoie des baisers à l'assistance publique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Alors, ce bientôt les municipales, eh bien, par exemple, à Épinal, sécurité, 10 faits délictueux constatés chaque jour. Vous vous rendez compte un peu? Vous osez encore aller à Épinal? Ah, moi j'en tremble maintenant, je vais réfléchir avant d'aller à Épinal, parce que 10 faits délictueux constatés chaque jour, ça c'est grave. Oh là là là là là là. Oh oui, oh que c'est grave, que ça fait peur. Que ça fait peur. Enfin, on va voter pour l'ordre et la sécurité, hein. Ah oui, oui, ouais, comme ça on sera rassuré après. Véran et Buzyn déjà au charbon. Ah, ben c'est bien ça. Crash d'avion, 4 disparus, réforme des retraites, calendrier intenable. Affaire Griveaux, qui a manipulé qui? Ah, question, qui a manipulé qui? Bon, maintenant on a le coronavirus qui va nous occuper un certain temps. Alors, l'affaire Griveaux, elle va tomber dans l'oubli. C'est peut-être pas plus mal, hein, pour certains, pour d'autres, peut-être pas, mais pour... Pourquoi la guerre, etc. Depuis l'Irak, la guerre a changé de visage et n'échappe pas à la privatisation. Vous avez bien entendu, privatisation. Moi qui croyais que les guerres, c'était des affaires entre États, hein. Eh ben non, privatisation. Et des sociétés, essentiellement anglo-saxonnes et russes, investissent ce terrain. Une mission parlementaire pourrait dresser prochainement un état des lieux sur les sociétés militaires privées. Ah oui, n'importe qui se bat contre n'importe qui. Il va chez le plus payant, le plus offrant, le plus généreux, le plus... Voilà, ah oui, oui. Bah tiens, ça s'appelle les mercenaires. Les mercenaires. Ah oui, c'est beau, les mercenaires. Golbe, économie, Pavatex investit 27 millions d'euros et crée 50 emplois. Ben, vous voyez bien qu'on crée des emplois. Ah, 50 emplois. Bon, il reste encore 6 millions de chômeurs, hein. Bon, 5 999 950. Voilà. Hein, parce qu'il y a 50 de moins quand même. Faut les décompter, bien sûr. Bonjour, Emmanuel Macron, Vanessa, éborgnée par un LBD en 2018, vient de m'envoyer son scanner. Une partie du cerveau est nécrosée. En plus de la vue, elle a perdu goût et odorat. Merci pour votre, entre guillemets, dialogue respectueux et républicain sans précédent dans une démocratie. Bonne année et surtout, la santé. Voilà. Bah oui, le courrier, les choses qui se mélangent. En 2020, lorsque vous écrirez une date sur un document officiel, faites bien attention d'écrire l'année en entier. 23-10-2020, par exemple, au lieu de 23-01-20. Car dans le deuxième cas, une personne mal intentionnée pourrait y ajouter deux chiffres, 2019, 2018, etc., et rendre votre document caduque ou antidater une autorisation pour pouvoir justifier une antériorité inexistante, acte de vente foncière, etc. Ah oui, il faut être méfiant. On est dans une société où, vous voyez, comme à Épinal, 10 délits par jour, 10 par jour, à Remiremont, je ne sais pas combien. Bon, à Épinal, mettons qu'il y a 30 000 habitants, à Remiremont, il y en a 6 000, donc ça fait 5 fois moins. Bon, il n'y a que 2 délits par jour à Remiremont. Ben, quand même, et ça fait beaucoup. Si statistiquement, on en est au même point qu'à Épinal, hein, ça, ce qui n'est pas prouvé, hein, je n'en sais rien, moi. Moi, je n'ai pas les chiffres, hein, je ne peux pas vous dire. Les machines à coudre ont sauvé leur sauveur, ont désormais leur sauveur. Ah oui, quelqu'un qui, maintenant, répare les machines à coudre. Ouais, ça peut être utile. Alors, à Remiremont, cette fois, oui, à Remiremont, la zone de l'écoquartier poursuit son développement. Tilleuit, c'est ici Londres, les Français, partout français, la zone de l'écoquartier poursuit son développement. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Je ne sais pas, je n'ai pas la traduction. Après l'accouchement, remuscler ses abdominaux. Voilà. Ensuite, hygiène oculaire. Garder l'œil sur leurs yeux. Ah, bon. Ah oui, ben, il faut les chiens, les chats, etc. Il faut surveiller pour qu'ils ne tombent pas malades. Hein. Sevrage tabac. Parlons-en ensemble en officine. Alors, une angine est virale dans 80% des cas. Vrai. Un simple test rapide d'orientation diagnostique permet à l'assurer et d'adapter le traitement initialement réservé aux médecins et le TRD est désormais disponible dans les pharmacies et remboursé par l'assurance maladie. Ah oui, l'assurance maladie, comme ça, la sécurité sociale, elle fera des économies sur les honoraires des médecins. Et oui, comme ça, puis on aura un rendez-vous plus vite peut-être. Ben, il n'y aura même pas besoin de rendez-vous, ça se trouve. Entre 1 et 4 ans, un enfant construit naturellement son système immunitaire. Il semble attraper tous les microbes qui passent. C'est en s'exposant au maximum d'antigènes de maladies qu'il développe la capacité à s'en protéger efficacement. Docteur Elodie Dorangeon, docteur en pharmacie et biologie à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône. Donc, finalement, de fréquenter des copains qui sont un peu enrhumés et ci ou ça, ben c'est pas toujours plus mal, quoi. Ça aide l'organisme à réagir, hein, oui. Bon, puis de temps en temps, on tombe malade quand même. Ben oui, ben oui. Les statistiques font ce qu'elles peuvent. Tous les virus mutent, vrai. Mais certains plus rapidement que d'autres, très instables, le virus de la grippe mute en permanence. Tous les ans, les souches de l'influenza virus subissent une modification mineure, ce qui fait qu'il faut refaire les vaccins tous les ans. Que les laboratoires refabriquent des vaccins tous les ans, des nouveaux vaccins tous les ans, et puis que nous, ben, on se fasse vacciner tous les ans. Les fumeurs ne sont pas égaux face à la dépendance et au sevrage. Les entretiens nous permettent de proposer à chacun la solution la mieux adaptée. Voilà. Alors Frédéric J, pharmacien dans le Var. Alors voilà, pour la santé, hein, oui. Ça c'est tiré d'une une petite brochure qu'on trouve à la pharmacie, que l'on nous donne à la pharmacie. Voilà. Alors, J.P. Marat, né à Genève, député à la Convention nationale, assassiné le 13 juillet 1793. Alors, il avait participé à la Constitution de 1793. Article 3, par exemple. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. Article 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. L'oppression de ceux qui gouvernent. Rendez compte, ça c'était écrit dans la Constitution de 1793. Oh là là là là. Article 12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des ordres arbitraires sont coupables et doivent être punis. Ah, même Constitution. 1793, ça fait longtemps quand même, hein. Et oui, ben, il faudrait voir la Constitution actuelle si elle s'occupe de faits semblables, si elle s'occupe de... Voilà, faudrait voir, faudrait vérifier. Ils pourront se rendre compte où vont leurs cotisations et apprécier en même temps les énormes avantages qu'ils retirent de leur affiliation à la sécurité sociale, avec un S majuscule à sécurité. Les hommes, les femmes, les mères, les enfants, nos vieux et nos vieilles de France trouveront dans ce guide tous les renseignements nécessaires concernant leurs droits et leurs obligations. Cet instrument était devenu nécessaire, d'autres suivront en cours de l'année prochaine, car la sécurité sociale est en constante évolution. Le plan de sécurité sociale est devenu une réalité vivante, ses effets se font déjà sentir pour tous ceux qui en sont bénéficiaires. Demain, tous les Français et Françaises seront à leur tour couverts contre tous les risques. Longue maladie, maternité, invalidité, accident, vieillesse. La gestion est d'ores et déjà confiée aux assurés eux-mêmes. Demain, les administrateurs seront élus au suffrage universel et à la représentation proportionnelle et l'ensemble de l'institution reposera sur des bases essentiellement démocratiques. Pas d'étatisation ni de fonctionnarisation. Tout sera mis en œuvre pour que la sécurité sociale soit agréable à tous et à toutes, et soit bien la propriété exclusive des Français et des Françaises. L'État qui hier était tout dans le régime incohérent et anarchique des assurances sociales, assurance sociale, on s'en vient après, n'a plus qu'un simple rôle de contrôle technique et financier à exercer. Ce guide pratique vient à son heure, c'était une arme nécessaire que tous les assurés en fassent à bon profit, le répandent autour d'eux pour mieux faire connaître les droits et devoirs de chaque assujetti. Nous les appelons aussi à faire tous leurs efforts pour créer autour du plan de sécurité sociale un grand courant d'unanimité nationale de tous les Français et de toutes les Françaises. Alors c'est signé Ambroise Croizat, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ambroise Croizat, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Alors, il n'était pas chez les LREM, non, il était peut-être bien, sûrement même, membre du Parti communiste. En tout cas, c'était un résistant, conseiller national de la résistance, qui a chapeauté la rédaction des statuts de la Sécurité sociale en 1945. À l'époque où beaucoup de banquiers, de gens de droite... faisait profil bas, hein. Donc la gauche avait retoussé les manches et elle réformait la société française pour la rendre plus sociable, plus sociale. Hein. Oui, mais depuis ces gens-là, on a un peu oublié leur comportement entre 1940 et 1945, ce qui fait que voilà, ben ils reprennent du poil de la bête et ils essaient de reprendre ce qu'on leur avait pris à cette époque-là. Voilà. Alors, centrale à enrobée, l'association ne désarme pas. Toujours vent debout contre l'activité de la centrale à enrobée, l'association de protection de l'environnement évoque de multiples nuisances et lance un appel aux victimes potentielles. Voilà, avis à la population. À Saint-Étienne, hein. Saint-Étienne et Remiremont. Ouais. Vous savez, la centrale à enrobage qui est sur la droite quand on prend la direction du gendarmerie. Hein, ouais. La façade et la toiture de la gare retrouvent leur jeunesse d'antan. Bon, ben espérons que dans un an ou deux, il y aura encore des trains dans cette gare, qu'on aura parfait la toiture et la façade pour rien, parce qu'il y a des endroits où les lignes de chemin de fer, on les ferme, ou on les privatise, ou on prend les premières mesures en vue de la privatisation prochaine, après les prochaines élections importantes, évidemment. Pas juste avant, parce que les gens se fâcheraient et risqueraient de mal voter. Voilà. Alors, qui est Juan Branco, l'avocat évincé de l'affaire Griveaux? Juan Branco ne défendra pas Piotr Pavlevski dans le cadre de l'enquête sur la diffusion des vidéos de Benjamin Griveaux. L'avocat médiatique proche de Julian Assange. Alors, Julian Assange, il vient d'être libéré aujourd'hui. Tout à l'heure, vers 15h, il est sorti de prison, bon, après avoir payé une caution, bien sûr, bracelet, machin, chose. Mais quand même, il va peut-être pouvoir s'occuper de sa santé, et ça aurait été dommage qu'il meure en prison, parce qu'il a rendu un très grand service à l'humanité, Julian Assange. Voilà. Ensuite, bien, Renault va présenter sa Dacia électrique. Ouais. Ensuite, division autour de Fessenheim. Le décret confirmant l'arrêt total et définitif des réacteurs et de la centrale nucléaire de Fessenheim avant la fin juin 2020 a été signé par le gouvernement qui a salué mercredi une première étape dans la stratégie énergétique de la France. C'était le jeudi 20 février. Voilà, donc on ferme une centrale nucléaire. Moi j'en connais un qui est allé à une manif, c'était en 1970 à Fessenheim, contre la construction de la centrale de Fessenheim, la centrale nucléaire de Fessenheim. Et il y avait là, il y avait des Français, il y avait des Vosgiens, il y avait des Alsaciens, mais pas nombreux. Il y avait surtout des Belges, des Suisses, des Hollandais, des Allemands, qui défilaient avec des banderoles en français, disant « Amis Français, pourquoi construisez-vous vos centrales nucléaires le long de vos frontières ?» Eh oui, point d'interrogation. Girancourt, le Matignon de la ruralité. Le Matignon de la ruralité. Il y a une journaliste qui a eu des problèmes avec ce Matignon de la ruralité. Elle voulait aller faire son métier. Et puis, ben, les difficultés se sont multipliées sur son trajet. Elle ne pouvait pas arriver à temps telle réunion parce que, ben, il fallait présenter tel papier et puis tel autre. Et puis, enfin bref, voilà. Les tribulations d'une journaliste en galère. Actu 88, un titre à retenir, Actu 88, vendredi 21 février 2020, temps de lecture estimé 6 minutes. Levé 6 heures, autant dire que ce n'est pas mon heure. Je suis plutôt une nocturne qui profite du calme de la nuit pour avancer efficacement et me poser concentré sans perturbation. Mais quand il faut, il faut. 7 ministres dans les Vosges. Ah, eh oui, 7 ministres, vous aviez déjà oublié, hein. 7 ministres dans les Vosges, ça vaut bien un effort. Levé sans trop de problèmes ce jeudi 20 février avec l'impression d'être un peu vide. Je pars pour Certigny vers 7h30, histoire d'y être en avance pour récupérer mon accréditation. Arrivé sur place, personne à la mairie, je pose la question aux gendarmes présents, et il y a ce qu'il faut, mais on me répond que ça se passe aux deux endroits en même temps, autrement dit, mairie et brigade de gendarmerie. Je me dirige donc à pied vers la brigade. Ma voiture est sur la place, j'ai du temps, donc un peu de marche le bon matin pour aérer les neurones. Je vois des binômes de gendarmes à tous les coins de rue, ça me fait sourire. La sécurité est vraiment au taquet. Votre accréditation, messieurs, dames. Point d'interrogation. Bon, j'arrive près de la caserne de pompiers. Encore une autre patrouille qui évidemment m'arrête. Madame, où allez-vous? Vous ne pouvez pas passer. Je prends le temps de leur expliquer que je suis accrédité, mais que je dois voir une personne de la préfecture pour la récupérer sur site. Pas habilité à suivre les échanges. J'appelle le service communication de la préfecture pour lui expliquer que je suis bloqué et j'apprends que je ne suis pas habilité à assister à l'échange sur la brigade de police au quotidien. Ah bon, pourquoi? C'est réservé aux poules rédacteurs. Et je suis rédactrice. Et je suis rédactrice, que je sache. Hein? Mais non, en fait, il semble que seuls les rédactions nationales puissent suivre les événements. La presse locale n'y a pas accès. Bon, pas cool. Pas juste. C'est juste des récriminations. Vous pouvez passer, oui, mais pas pour rester à la porte. Etc. Voilà, il y en a comme ça, deux pages. Eh oui, faire son métier de journaliste, dans la phrase de Macron, apparemment, c'est pas facile du tout. Je parle pour les vrais journalistes, ceux qui ont une certaine liberté de mouvement, hein, ceux qui se réservent une certaine liberté de mouvement, ceux qui sont totalement transformés en leur bain, évidemment, ceux-là, ils ont toutes les accréditations possibles et imaginables, ils les reçoivent longtemps à l'avance, etc., etc. Hein, ben oui, ben, suivant que vous serez, etc., disait La Fontaine. Bon, les conjoints survivants cherchent des adhérents à Remiremont. Oui, les conjoints survivants. Escroquerie, les 45 plaintes en près d'un an dans le secteur, à Remiremont. Ah, 45 plaintes en près d'un an dans le secteur. Vous voyez, il n'y a pas qu'à Épinal qui a de la sécurité. Hein, oui. Romary-Montaigne, vous pouvez trembler. Ah oui, trembler. Et si on entend vos tremblements jusqu'à la préfecture ou jusqu'à la mairie, ben, bien entendu, il y aura des retombées et on vous rassurera. Écologie, bonne conscience ou prise de conscience. Bon, ben, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Hein. Voilà. Allez. À la prochaine fois.